Retro Nouveau. Hey! Salut tout le monde et bienvenue à cet épisode de fin d'année de Retro Nouveau. Ça va bien les gars? Ouais! Yes! Yeah! Oh yeah! Oui. Hey, on a des invités en plus ce soir. Mm-hmm. Yes, yes. On a Mario Ramos de Retro Nouveau. Oui. Salut. Ça, donc, je m'occupe d'habitude principalement du site web, RetroNouveau.ca. Je dis les critiques, je suis rendu comme éditeur en chef depuis que t'as moins de temps. Ouais, exact. Fait, dans le fond, le site web, c'est toi à cette heure. Pas mal. Ouais. Pas mal. Puis, c'est pas mal toi qui écris la majorité des articles. C'est... Ben, pas nécessaire. Ouais, ben. De ce temps-là. Tu sais, les tops, c'est moi qui m'occupe des montées et tout ça. Ouais, tout le monde participe, là, mais je m'occupe de monter des trucs, de programmer souvent les articles sur Facebook, des choses comme ça. Caler les codes de jeu. C'est ça. Corriger les fautes. Ouais. Mettre de l'ordre là-dedans. Puis là, ben, c'est ma première fois, puis je suis bien content d'être là. Ben ouais, on est bien content que tu sois là. Yes. Cool. En plus, ton local. Le local de ta est femme. Juste à côté. Parce que toi, t'es nouvellement marié. Ouais. Également détenteur d'un petit cochon. Ouais. Comme oui, animal de compagnie. Oui, c'est vrai. T'es rendu fucking gros en passant, ouais. Là. Je l'ai vu l'autre fois et j'ai eu peur. Mais ouais, c'est ça. Vous avez un local direct à côté de l'arcade ici. Ben, c'est ça. On attend juste que tu ouvres ton barcade pour prendre le tien. Exact, exact. Ça s'en vient, là. Ça... Moi et Mario, on jouait à Magic sur l'heure du midi cet été quand on avait un petit peu plus de temps. C'était pas mal le fun. J'ai ressorti mes decks. Ben, c'est un peu spécial parce que je joue avec des cartes récentes, puis toi tu joues avec des cartes rétro. De 1993. Les cartes de dames étaient plus parce à l'époque c'était nouveau pour moi, puis j'ai pas racheté de cartes depuis ce temps-là. Fait que je joue avec mes vieilles cartes. Là, je regarde tes cartes à toi, je suis comme tabarnak, je comprends rien. Tu sais, il a fallu qu'on invente des stratagèmes, là, des skills, puis des powers. Là, depuis ben, c'est parce qu'il y a des mécaniques qui ont changé de nom. Ah, oh, c'est ça. Puis, les Planeswalkers, man, puis tout. En tout cas, on partira pas là-dedans, là, mais tabarnak. Fait que, sinon aussi, on a Michael Baroque Larouche. Ben oui, toi! A.k.a. Également Dark Shock. Ouais, ça fait longtemps que j'utilise plus de son nom, par contre. Ben, l'utilises-tu juste sur retrogamer.ca? Genre, non, on a décidé de mettre... J'ai poussé pour qu'on mette nos vrais noms parce que je trouvais que... le monde ne se reconnaissait pas ces groupes Facebook de rétro. Quand on postait, c'est comme. Le fond, on ne faisait pas le lien entre nos surnoms et nos noms. Fait que j'ai dit, hey, les gars, on va utiliser nos vrais noms. Là. C'est le plus simple de se faire reconnaître. Ouais. Mais Dark Shock, c'est comme un vieux, vieux surnom. Ça date de début, quand j'étais début de l'Internet en 99-2000. C'est vraiment un vieux surnom. Là. C'est ton nom sur MIRC. Ouais, man. Ah, yeah, man. Et merci, baby, man. Dans Undernet, là, c'est yes. Dark Shock. Yes. J'étais, Freenode aussi, là, le truc de hacker, le truc d'open source aussi. Là. Ben cool. Je suis bien content d'être là. Ben oui. Il y a plein de monde qui doit se demander, c'est comme à chaque fois que comme Michael LaRouche, c'est qui ce gars-là? Mais c'est moi. C'est lui. Ben oui, c'est lui. C'est ça, Michael LaRouche. J'écoute le show depuis longtemps, Michael LaRouche. Puis t'as commencé à venir au Funzo quand j'ai commencé. Mario aussi, d'ailleurs. Ouais. Je t'ai connu. Oui. Yes. Puis, tu suis le show et le projet depuis ce temps-là. Oui. Puis, t'as tes projets aussi. T'es avec la gang de RetroGamer.ca. Et également Conservatoire Rétro. Quoique là, t'es en pause. Ouais, je suis en pause. Je sais pas encore ce que je vais faire avec ça. Pour ceux qui me connaissent personnellement, je sais que j'ai tellement d'idées de projets. Ouais, c'est ça. Mais oui. T'as parti une autre affaire de programmation. Un compilateur. Un compilateur pour faire des jeux de Super NES. Ouais. Comment ça s'appelle? Zeal SNES. Zeal SNES. Oh. Zeal comme Zeal dans Chrono Trigger. Ouais, c'est ça. Au bout de les gens zélés. Je pensais qu'il fallait être zélé en tabarnouche pour coder en assembleur pour le SNES. Ben oui, là. Ouais, c'est assez hardcore, là. C'est comparé. Tu sais, j'ai fait de l'assembleur sur Nintendo. Là, le Super NES, c'est une coche vraiment difficile au-dessus, là. Okay. Sinon, aussi, je suis dans les Power Chasers, faut pas l'oublier. Ah oui, ben oui. C'est vrai. Ah ouais, moi aussi, en fait. Ben oui, c'est vrai. J'ai tellement pas Game Chaser. Je suis allé avec une fois, mais j'ai pas réussi à y retourner. Non, c'est ça. On aimerait ça que tu sois là tout le temps. Je sais, j'aimerais assez ça, moi, avec, man. En tout cas. Aller chercher d'autres racks, là, comme ton beau rack. Un bon rack à cravate que je vais pogner avec. D'ailleurs, allez sur la page Facebook des Power Chasers, notre panneau qu'on a fait au dernier festival rétro, il est là en entier, une heure de paneling de gars qui jasent de marché aux puces, de cassettes, plein de tricks comme aller chercher des jeux rétro. C'est quand même rendu de plus en plus difficile à cette heure aujourd'hui avec le marché, plein de revendeurs, ça coûte cher. Ah ouais, mais ça. Ah, bien. Hey, vous avez pas peur, vous autres, quand vous faites des panels de même, de tout dévoiler vos beaux secrets, là? Oh, ben, c'est pas tant des secrets, t'sais. C'est plus pour les gens qui commencent un peu là-dedans, là, pour ça, mais tu sais, c'est... très vite là, quand tu te mets à magasiner les jeux ou à aller chercher, tu te rends compte de comment ça marche le game. Là, ouais. C'est vraiment pour les c'est plus un... Les néophytes. Les néophytes. J'allais dire les débutants, mais vu que tu as du... Ben, tu sais, néophytes... T'as un beau parler. Faut placer néophyte quelque part dans ta semaine. C'est ça. Puis Ben, il est pas là. Ben était supposé être là aujourd'hui, puis ce gars-là, il parle bien. Hein. Ouais, il parle bien. Mais par exemple, là, il a la grippe, il nous a dit ça ce matin. Ouais. Fait que pas de Ben aujourd'hui. Fait que non. Là, c'est ça, on a padé avec Baroque, là. J'ai envie de faire du bon travail. Je sais pas si j'ai un bon parlage, là, t'sais. Moi, comme d'homme, je viens de la région aussi. Là. Ouais, c'est ça, Sept-Îles. Hein? Sept-Îles, ouais. Je vais être bien, bien loin. Là. Mais j'ai comme l'impression que tes jeux d'aujourd'hui vont être plus rapides que ceux-là de Ben. Là, ouais. Jeux, là, ça va. Moi, c'est tous des jeux d'action, il n'y a pas de slow gaming dans mes choix. Ça va être parfait, le slow gaming. Alright, fait que dans le fond, on va commencer ça en disant merci à toute la grande équipe de Rétro Nouveau parce qu'on est vraiment loin d'être seul là-dedans. Le podcast, c'est une affaire, mais vraiment, il y a une grosse équipe derrière ça. On a mentionné Mario tantôt, évidemment, qui est l'éditeur en chef. Il y a aussi Catherine qui écrit pour nous. Ouais, il y a aussi Catherine Mercier. Exact, Charlène. Charlène. Il y a aussi Philippe Pavlin qui a aussi écrit pour nous. Jean Barre qui va aussi éventuellement être avec nous autres sur le podcast à un moment donné. Oui, c'est ça. Côté rétro, on a Matt Bennett et Simon Lahaye. Simon Lahaye. Lahaye. Ouais, j'ai tout le temps Lahaye. Ça dit Lahaye. C'est le Québécois. Il n'y a pas un acteur québécois. Oui. C'est David. Oui, ben c'est Lahaye. Ça, tu l'appelais David Lahaye. Dans ma tête, c'est Lahaye. Lahaye. Très, très Lahaye. D'ailleurs, fun fact sur Simon, il m'a appris ça. Je sais pas s'il vient de cette île comme toi. Non. Il vient de la rive sud, mais ceux qui checkaient les trucs de jeux vidéo dans le TV Hebdo dans les années 90, mais c'était son père qui écrivait ça. Oui, ah, je sais. Ouais, son père, il a eu une méga collection de jeux de malade mental parce qu'il se faisait envoyer tout le shit dans le temps, puis il a tout gardé. Alors, on parle de à partir du Coleco, là. Oh, oui, c'est ça. Jusqu'au Dreamcast, PlayStation 2, là. Ah, ouais, c'est malade. Moi, quand il m'a dit ça, j'étais comme, man, je découpais l'article de ton père, je collais ça dans les petites affaires, man. J'étais mind blown quand il m'avait dit ça. Ouais, c'est vraiment hot. C'est ça, on voulait remercier tout le monde vraiment pour tout le travail que vous faites. Ben oui. Et puis, ça permet de maintenir un beau produit. Comme Rétro Nouveau en santé, hein, Nick? Exact. Exactement. En masse, en santé. Puis, tu sais, il y en a qui sont un peu plus Shadow Worker, mais honnêtement, tout le monde amène sa petite saveur, là. Puis, si vous n'avez pas la critique de quelqu'un, ben il y a quelqu'un d'autre qui va faire une critique à un moment donné. Ouais. Fait que c'est très bien. Ouais, c'est bien ça, faire un beau party de Noël avec une bûche, là, tout le monde ensemble, mais c'est difficile de ramasser. Toute cette gang-là, là, est tough à ramasser ensemble. Ben, Simon, c'est pas possible. Ben, quoi qu'il vienne à Montréal de temps en temps. Ouais, mais tu sais, c'est quand même 12 heures de route. C'est juste ça. Fait que peut-être c'est un bon sujet. C'est un segue vers le Patreon. Si on veut avoir notre jet privé, c'est pour que Simon vienne au party Rétro Nouveau. Exact. Ouais. Fait que. Ouais. T'as pas quelque chose à dire, Bruno? Oui. Ben, en fait, Pierre a quelque chose à dire. Oh. Pierre est de retour pendant un épisode. Il était pas là. Je me suis ennuyé. Ouais, hein? Ouais. Ben là, c'est ça. Je le ramène. Je ramène Pierre aujourd'hui pour un beau poème. Et c'est un poème qui s'adresse à tout le monde. Oh. Ok. T'as une note, là? 2015, tu nous as charmés de tes jeux 2D, tu nous as fait capoter avec tes jeux en 3D, tu nous as vidé les poches avec tes ventes, notre budget a défoncé. JF a enfin vaincu les bugs du podcast en troquant le Mac pour un PC. Nicolas a passé ses nuits à jongler entre Xenoblade et vomi de bébé. Bruno s'est essayé à Destiny en ligne. Il a entendu un joueur qui l'a effrayé. Puis Papa Cassette essaie tant bien que mal d'ouvrir une arcade, mais le maire n'a pas encore réplayé. Toi, le public, tu nous as aidés sur Patreon. Tu es tellement chic. Nous te remercions de ta bonté. Grâce à toi, ce podcast est en bonne santé. Bravo Pierre. Bravo. Merci, Pierre. Bravo, Pierre. Merci. Good. Fait qu'on se revoit en 2016, là. Décris! Ah! Retourne dans le Gardalob. Et ça repart avec une toune de Sonic. Hein? Oh, yes! Hey, c'est pas de mieux pour t'en revenir. Hey, je vous ai mis des beaux Genesis dans les soundtracks. Mais oui, hein, c'est ça. C'est parfait, ça. Parce que fait que là, à soir, on a des beaux prix. à faire tirer aux gens. Puis on s'excuse au monde qui nous écoute live, la chat ne fonctionne pas en ce moment. Notre serveur IRC est down. Non, vous n'êtes pas en 95. Là. C'est ça. Mais là, c'est pas de notre faute. Non, c'est de la faute du site Internet. C'est le service qu'on utilise. C'est le service qu'on... qui est down. Puis nous autres, on paye pour ça. Ah non, on paye. Non, non, non, on paye rien. Faudrait payer aussi. De toute façon, le concours que Mario va nous parler va être sur Twitter, alors oui. Allons-y. 2.0. Donc, c'est ça, c'est la façon qu'on va procéder. En fait, j'ai plusieurs jeux à faire tirer, donc des clés principalement Steam, un peu PS4 et un peu 3DS aussi. Pour chacune des clés, je vais poser une question. Pour répondre à la question, vous allez sur Twitter, puis vous rentrez le nom du jeu pour lequel vous voulez répondre à la question. Le hashtag RN2015. Puis la réponse. Puis là, je vais comme shooter toutes les questions, puis on va pas dire les gagnants tout de suite, parce que sinon, ça va être trop long. Donc, après le show, ah oui. Demain, on va confirmer les gagnants, probablement sur la page Facebook. Donc, suivez ça. Qu'est-ce qui arrive s'il y a des jeux qui sont pas répondus d'ici demain ou whatever? On va les garder pour la prochaine fois. On continue de surveiller Twitter, puis on va donner en différé quand ça. Le podcast va sortir. Exact. Ouais, ouais, tout à fait. Jusqu'à ce que ça soit tout réclamé. C'est ça. Donc, on va commencer. On commence en force avec Game of Thrones, le jeu de Telltale Games, la saison complète sur Steam. Malade. Oh, ouais. Donc, la question, c'est quelle note Bruno Georget a donné dans sa critique vidéo de Game of Thrones épisode 1 sur 5 étoiles? Combien de étoiles Bruno Georget a donné dans sa critique vidéo de Game of Thrones épisode 1? Donc, vous allez sur Twitter, vous écrivez Game of Thrones... hashtag RN2015, puis le nombre d'étoiles. Donc, le deuxième jeu, un autre jeu de Telltale, c'est la saison complète de Tales from the Borderlands sur Steam. Et la question, c'est quelle note j'ai donné à Tales from the Borderlands épisode 4 sur le blog de Rétro Nouveau? Puis, même chose, vous donnez le nombre d'étoiles avec le nom du jeu et le hashtag RN2015. Moi, je suis sûr que présentement, Mario, il y a du monde qui sont en train de googler comme des malades. Donc, le truc, c'est d'avoir une page, pour les questions qui s'en viennent, d'avoir une page Google ouverte, puis là, une page sur retronouveau.ca ouverte. Parce que dépendant des questions, vous aurez à chercher soit sur Google, soit directement sur le site de Rétro Nouveau. Donc, prochain jeu, c'est Red Game Without a Great Name. C'est un jeu 2D indie... puzzle, platformer, là, tu te promènes dans une espèce d'environnement un peu qui est tout rouge puis noir, puis oui. C'est un jeu de puzzle. C'est PC, PS4? C'est sur Steam. OK. Et donc, la question, c'est quoi le nom du développeur de ce jeu? Donc, c'est, je répète le nom du jeu, c'est Red Game Without a Great Name. Puis, vous écrivez, c'est ça, le nom du développeur. Donc, mélangez-vous pas, quand je dis développeur, c'est vraiment l'équipe qui a développé le jeu et non pas qui a publié ou édité le jeu. Et prochain jeu, c'est deux clés pour le jeu Guns, Gore and Cannoli sur PS4. Donc, je vais avoir une question pour chacune des clés. La première question, c'est qui a publié ce jeu? Et la question numéro 2, c'est dans quelle décennie se déroule le jeu? Donc, vous répondez à une des deux questions pour essayer d'avoir une des deux clés. Prochain jeu, c'est Helldivers 2x sur Steam. Excellent jeu. Ouais, dû pour essayer ça. Ah oui. Ouais, d'ailleurs, on a fait la critique à Rétro Nouveau. Ouais, je sais. Puis, la première question, c'est qui a développé ce jeu? Et... pour la deuxième clé, la question, c'est quel est le numéro de l'épisode de Rétro Nouveau où la critique de Helldivers a été faite? Nice. Donc, vous allez sur le site de Rétro Nouveau, vous cherchez Helldivers. Puis pour trouver, et ben, l'outil de recherche va tellement bien sur notre site web en plus. C'est ça, ça écrit en gros, c'est vraiment beau. Ouais, c'est gros, gros. Bravo, JF, j'imagine, c'est toi qui as monté ça. Oui, ouais, c'est tout lui. C'est vraiment... qui d'autre que Jésus de l'Internet pour faire ça, tu sais? Les cernes, là, c'est les ça. Cernes, c'est ceux de l'œil gauche. C'est vraiment le moteur de recherche le plus satisfaisant. Genre, t'es qui, ouais. Là, il y a des grosses lettres qui apparaissent. Ah, il y a vraiment le fun, moi-même. Ouais. J'étais comme, waouh! C'est juste ça qui est le plus hot. Donc, prochain jeu. Ça s'appelle Abyss Odyssey. C'est un jeu platformer 2D de combat avec des épées. J'ai regardé un petit peu, je sais pas si j'ai pas joué. Mais ça a l'air bien le fun. Puis donc Abyss Odyssey sur Steam. La question c'est qui a publié ce jeu? Donc c'est ça. Prochain jeu qu'on a fait la critique aussi à Rétro Nouveau s'appelle Citizens of Earth. Une clé pour la version Steam. Puis la question, celle-là est un petit peu plus poussée. De quel jeu SNES s'inspire fortement Citizens of Earth? Puis ça, ben, le développeur, il s'en cache pas. Là, c'est comme. C'est quasiment le tagline du jeu. Là, de... Ah ouais. Ouais. Quand tu regardes les screenshots, c'est assez similaire graphiquement. Là, c'est, ouais, c'est le même style. Le gameplay est similaire, puis il y a même une partie du titre du jeu qui ressemble. Citizens of Earth. Tu donnes des gros indices. Ouais. Jeu RPG. Ouais, puis Nick en a parlé pendant sa critique. Ouais, puis il y a eu une critique aussi sur le blog. Hein, ouais, j'ai fait la critique. C'est un jeu qui ressemble un peu à SimCity, mais. Earth. Mais Earth? Là, tu viens de fourrer tout le monde. Ouais, c'est ça. Parce que j'avais Sim Earth en tête, mais c'est pas ça. Non, c'est pas. Okay. Pas okay. C'est un lien lointain avec Earth Song de Michael Jackson. Quoi? Oh. T'avais pu dire le groupe Earth, Wind and Fire. Ouais, aussi. Tant qu'à faire, là. Prochain jeu, ça s'appelle Contagion. Donc, c'est un jeu. C'est un jeu zombie online. Ça fait penser un peu à Left 4 Dead. Puis j'ai trois clés pour ce jeu-là, trois clés Steam. Et la première question, de quel mode Half-Life 2 ce jeu en est la suite spirituelle? Si vous allez sur le site officiel du jeu, c'est comme. C'est tout de suite dit, c'est quoi? Question numéro 2. Qui a développé ce jeu? Et question numéro 3, quelle est la date de sortie officielle de ce jeu? Donc, faut pas se mélanger parce qu'il y a eu une sortie bêta, Steam, Greenlight, je pense. Donc, mais il y a une autre date un peu plus loin, en 2014, qui est la date officielle de sortie du jeu. Donc, voilà pour les trois questions pour Contagion. Prochain jeu dont j'avais fait la critique sur Wii U. Ah, c'est que je suis con, je viens de répondre à ma question. Mais. Trouver une autre. Bon, j'ai trouvé une autre question. Donc, c'est Tesla Grad sur Steam. La question, ça allait être sur quelle console j'ai fait la critique, mais là, c'est pas bon. La vraie question, c'est quoi la note que j'ai donnée à Tesla Grad sur Wii U, sur le blog? C'est mal à rétro. J'espère que t'en souviens, parce que c'est pas dans tes notes. On va checker demain, ça va être correct. Super bon jeu, okay. En passant. Ouais, c'est excellent jeu de plateforme. Puis c'est vraiment genre, il y a comme deux couleurs dans le jeu. Puis c'est un peu le concept d'attraction-répulsion. Ouais. Puis c'est super c'est beau vraiment, aussi. C'est tout dessiné à la main. C'est vraiment super beau. Puis c'est vraiment des puzzles de physique. Ouais. C'est quand même tough comme jeu. Moi, j'ai. Ouais, c'est vrai que c'est tough. Tu sais, j'ai eu de la misère à me rendre à la fin. Prochain jeu. Et dernier jeu, c'est un jeu de 3DS. Oh, monsieur! Donc, c'est Gunman Clive. Premier? Donc, ouais, le premier. Si vous demandez c'est où que j'ai toutes ces clés-là, ça vient surtout de Humble Bundle, de clés que j'ai en trop. On pourrait aussi dire que t'as comme une tuque de voleur. C'est ça, j'ai volé les clés. Puis, il a pas donné assez à Humble Bundle pour avoir ces clés-là, fait que c'est comme un voleur. Ouais, c'est ça. Puis en plus, pour une bonne cause. C'est bon. Le minimum une scène. Ouais. C'est donc, bon, c'est bon, Chris, les deux Gunman Clive en passant. Là, ouais, c'est vraiment bon. Puis sur le téléphone, j'aimais pas ça ni rien, mais sur 3DS, moi, je les ai faites les deux, puis c'est très bon. Donc j'ai une question quand même très poussée, puis celle-là. Oh. Donc Gunman Clive au 3DS, la question c'est, dans les archives de Rétro Nouveau, il y a une vieille critique vidéo de Gunman Clive par Bruno Georget. Ouais. Oh. La question, c'est de quelle couleur est la camisole de Dominique? Oh, wow! Wow! Wow! Nice! Wow. Ouais, ça, c'est cool, ça. Voilà, ça. Ça, c'est dans le décor brun chez Dom, ça, si je me souviens bien. C'est... Ouais, je pense que ouais, ouais. Des bonnes chances, ouais. Probablement. Là. Ouais. Puis moi, je le sais, en tout cas... Dans ce temps-là, j'avais deux couleurs. Tout le temps les mêmes deux. Ouais, c'est ça. Ouais, oui, j'avais deux, tu t'en souviens. J'ai changé depuis ce temps-là. Il faut que je retourne à l'aubainerie m'en acheter d'autres. Ouais. Ça, c'est un nombre impressionnant de clés qu'on a donné. Tu sais, si notre bas de Noël était virtuel, il serait bourré présentement. Ah ouais, vraiment, là. Ouais. C'est très cool. Génial! Excellent! Avant de commencer, les critiques, juste dire aux gens qui nous écoutent live, vous pouvez aller sur la page YouTube du vidéo directement. Il y a un chatroom là qui fonctionne. Fait que ça va cool. Pallier à la perte de notre chatroom sur le site en ce moment. Y a-tu du monde qui sont rentrés là un peu tranquille? Oh, il y a quelques personnes qui me parlent. Là, fait que venez jaser ici si vous voulez jaser. Ah ouais, allez là, allez directement là. Directement sur la page YouTube. Excellent, man. Parfait, fantastique. Ça. C'était vraiment triste d'avoir de que la chatroom ne marche pas, mais si au moins on peut retrouver le monde là. On va le fixer pour le prochain podcast. Ouais, ben oui. Mais c'est pas de notre faute, c'est eux autres. Non, c'est pas nous autres. C'est ni un Mac, ni un PC, c'est pas nous autres. C'est ça. L'équipement fonctionne très bien en ce moment. Tout va très bien. Ça roule très bien. Mathieu qui absorbe ma soeur, c'est bon. Aïe, fait que c'est ça. Fait que le fonctionnement de la soirée, en fait, c'est que. On n'était pas pour faire, admettons, chacun un top 10 ou whatever de nos meilleurs jeux de l'année parce que ça a duré à peu près 5 heures le show. Fait qu'on va faire nos 3 meilleurs jeux de l'année. Ben, moi, je t'ai mentionné qu'ils sont pas dans l'ordre. Non, c'est ça, il n'y a pas d'ordre. C'est 3 choix que j'ai fait à travers mon top 10. Mais je continue à dire qu'est-ce qu'on a. Ouais, mais c'est bon ça. Non, mais c'est parce que chacun de nous, à part Michael, parce qu'il a été callé à matin, dernière minute, on a un top 10 qu'on va faire de nos jeux de l'année. Comme à chaque année. Qu'on va crisser sur le site web. Mais pas tout de suite parce que là, c'est pas prêt. Mais on va vous le dire quand ça va être prêt. Mais entre-temps, pour le show, on va juste comme chacun plugger 3 jeux qu'on a aimés cette année qui sont dans notre top. Ouais, moi, je dirais pas les positions, par exemple, parce que je garde une petite surprise. Hey, c'est ça qui se passe. Bon. C'est de même, ça va aller. Fait qu'on va y aller à tour de rôle. T'es mieux de commencer tout de suite parce que là, c'est la toune de Ninja Gaiden. Colin, c'est malade, ça fit, ouais. 5 minutes par jeu et puis c'est Zardoz qui sert de buzzer après 5 minutes. C'est malade, on a un ref pareil à soir. Pareil comme à la disque. Exactement. Pareil comme à la disque. Exactement comme ça. tu t'en vas. Ah non, par là. All right. Fait que, je pense que c'est moi qui commence. Oui, Bruno. Ouais, OK. Fait que le premier jeu dont je vais vous parler à soir, qui est un de mes grands coups de cœur de l'année, c'est Mad Max. Mad Max, qui est un jeu que tout le monde allait penser que c'était de la merde, finalement. Puis il y a vraiment eu de la haine pour ce jeu-là, en fait. Avoue que tu l'aimes un petit peu plus à cause de ça aussi. Je pense que oui. Ouais, hein, c'est cool quand quelque chose rise. Là, ouais. Chris, il donne plus de love. C'est vrai ça. Puis moi, je pense que le jeu Destiny est aimé en partie à cause de ça. Parce que justement, c'est un jeu qui est pas parfait. On dirait que les gens, ils sont investis plus parce qu'ils ont payé. Puis là, finalement, ils finissent par triper dessus. Mais moi, en fait, Mad Max, c'est à cause que c'est les mêmes développeurs qui ont fait Shadow of Mordor. Ouais. Et si vous écoutez le show, vous savez à quel point j'ai été fatigant avec Shadow of Mordor. J'ai joué à ça comme un mongol pendant un an. Je pense qu'on pourrait dire que Shadow of Mordor, l'année passée, tu as dû en parler à chaque épisode. Ah ouais, probablement. Ça, Mad Max, c'était peut-être 1/2, tu sais. Ouais. C'est ça. C'était pas une surprise que ce titre-là se ramasse dans ton top. Non, là, mais... vraiment pas. Mais c'est ça, moi, en fait, pourquoi j'ai aimé Mad Max, c'est tout simplement, bon, évidemment, il y a la liberté qu'il y a là-dedans, mais c'est le côté crasseux, le côté avoir un char puis que le char fonctionne aussi bien. Tu sais, on a tout le temps une arme qui nous fait triper dans un jeu quand c'est bien fait, mais là-dedans, c'est le crochet que tu as sur ton char. Ça, c'est vraiment écœurant, tirer des affaires avec ça, puis tirer même des gars, des parties de leur char. Mais aussi, le combat à main nue est fantastique. Puis il y a vraiment énormément de satisfaction dans le jeu. Puis j'ai trouvé aussi que l'histoire était intéressante. C'était le fun de la manière que c'était amené. Parce que c'est amené à travers des choses que tu trouves dans le monde. Fait que tu découvres un peu l'histoire en même temps que ton personnage la découvre. C'est comme si tu arrivais là, dans cette fin du monde-là, puis que tu découvres peu à peu c'est quoi. Tu sais, tu le sais pas nécessairement. Au début, on t'en donne juste des petits bouts. Puis je trouve ça bien intéressant. Fait que c'est ça. Puis c'est vraiment, là, ceux-là qui ont aimé Shadow of Mordor vont triper ce jeu-là. C'est vraiment la même base. C'est le même genre de jeu. C'est sûr que t'as pas des clans à défaire, pareil comme Shadow of Mordor, mais t'as quand même des territoires à combler puis à occuper. Puis aussi, ben c'est ça, tu t'approches et tu du monde pour ramasser leur argent, pour ramasser leurs affaires. Fait que c'est fantastique, ça, de voler un peu comme ça. Se passe dehors ici, présent. Oui, exact. Ouais, c'est ça. Moins de chars, mais... On est quand même dans Schlag. Ouais, non, c'est ouais, ça. C'est ça. Non, mais il y a 2-3 chars qui brûlent. Là, c'est quoi, le Spark Under, là, je sais. Pas trop chaud, ça va aller. Un parc de pneus qui brûle, là, quelque part. Fait que c'est ça. Fait que en fait, ce jeu-là, moi, je le conseille à n'importe qui parce que c'est fantastique. C'est vraiment le fun. Puis je joue encore. J'ai pas fini. Je veux vraiment le finir à 100%. Puis c'est ça, bref, je donne pas de note, mais si je vais y donner une note, là, elle serait haute en tabarnak. Ben, une note a déjà été donnée. Une note a déjà été donnée. Allez voir sur notre site web. Ouais, exact. C'est tellement rempli de beau shit, ouais, man. C'est la question, gagner une canette de Shock Top vide. Vide. Autographié par Pierre Lapointe. Vous pouvez venir aussi chez Arcane Montréal à tous les jeudis en fin de soirée ramasser le sac de canettes vides si vous voulez faire 50$. Nous autres, on met ça sur le bord du chemin. Crime, c'est vrai, hein? C'est vrai, le pain, ouais. Ben ah, oui, ben, parce qu'on n'a pas le temps d'aller porter ça. Ben, là, dors, mon gars. Ben, c'est sûr qu'il y a quelqu'un qui... gardien de sécurité ici, puis là, ah ouais? Il nous a dit... Mettez-les pas dehors, là. Il y a du monde qui peuvent péter ça dans la rue. Donne-moi-les, là. Je vais m'en occuper. Quoi? C'est vrai? C'est clair qu'ils ramènent ça chez eux. Ouais. Ça me fait bien rire. Aïe, aïe. Shit, ouais. Fait que tu veux, ça, c'est comme une anecdote de Mad Max, dans le fond. Parce que c'est vrai, il y a du monde qui ramasse des scraps pour se faire de la c'est vrai. Puis ils mangent du manger à chien aussi, ouais, tu l'as dit. Hein, ouais, tu manges du manger à chien puis des asticots. Ah oui, c'est ça. C'est le fun de manger des verres. Fait que c'est ça. Excellent. Take it away, Dominic. C'est moi le prochain. Je vais juste faire un petit commentaire. Je veux dire que ça, je reçois une notification Twitter, puis là, ça participe en crise pour, ouais, pour excellent. La c'est cool, c'est excellent. C'est cool. Puis j'ai réalisé que ma question sur combien d'étoiles j'ai à Tesla Grad, c'était un peu une question piège, mais il y a quelqu'un qui l'a eu. Ah fait oui? Vous verrez pourquoi. Oh. Colin. Donc, vas-y, donne. Good. Fait que moi, le jeu, un jeu dans mon top, c'est Xeo Drifter. Ah, oh, oui. Mais avec un X, Xeo Drifter. Xeo. Donc, un jeu de nos amis, de mon... Ben, il est pas... Oui, il est mon ami, je pense. De Renegade Kid. C'est un peu ton ami, tu as déjà parlé. Est-ce qu'il te follow sur Twitter? Ben, j'ai pas revérifié, mais je pense que oui, parce qu'une, ouais, fois, j'ai parlé de Mutant Mods, puis un autre, ouais, jeu, tout ça, puis... Ah non, j'avais parlé de SteamWorld Dig, ouais, avec le créateur de SteamWorld Dig. Ouais. Là, lui, Jay, c'est quoi son nom? Joe Waltzman. Waltzman. Ouais, c'est ça. Je n'aime pas son nom de famille, mais ouais, c'est il a embarqué dans la discussion. Ouais. Genre, oh, cool, j'ose avec des gars qui font des jeux que j'aime en tabarnak. Ouais. Ah ouais. Fait que c'est ça, Xeo Drifter, dans le fond, on pourrait dire que c'est totalement Metroid, ben oui, refait par lui. Puis moi, j'avais beaucoup... j'avais fait de Mutant Mods mon jeu de l'année il y a 2 ans à peu près. Puis c'est du même doute, dans le fond. Puis je trouve que la qualité de ces jeux de plateforme est incroyable, man. C'est, oh, ça accroche, là. C'est parfait, tu sais. Puis la musique est bonne. Puis le pixel art qui est très, très beau là-dedans, tu sais. Puis, excusez, Xeo Drifter, c'est comme Metroid, dans le fond. T'as une couple de planètes à faire. Puis tu vas chercher des... Hey, excusez-moi. Je complains. Ah, fait, c'est ça, tu ramasses, mettons... ah oui, j'avais oublié. Ça fait pareil comme dans Mutant Mods aussi. Tu peux, ouais, aller dans le fond, comme sur le plan arrière, là, tu sais, en pesant sur right, j'imagine. C'est son shtick à ce gars-là. C'est vraiment son shtick à ce gars-là. Comme dans, ben, en fait, le but du Xeo Drifter, c'était faire un jeu en utilisant le plus de ressources de Mutant Mods possible. C'est un jeu qu'il a fait en peu de temps, ça coûte pas trop cher. Fait que c'est pour ça qu'il y a beaucoup d'éléments de Mutant Mods qui reviennent dans Xeo Drifter. Il y a beaucoup de sprites qui reviennent, beaucoup d'ennemis aussi. Oui, c'est cool, totalement ça, d'accord. Puis c'est pour ça aussi que je pense que le jeu est si court. Oui. Puis qu'il y a genre juste un gros boss là-dedans, mais qui revient à chaque fois tout le temps plus fort. Puis il faut que tu aies ta nouvelle arme pour être capable de péter ces nouveaux skills, dans le fond. Fait que c'est un jeu qui est comme très court, vraiment pas compliqué, avec un peu tout le temps le même... ben, c'est tout le temps le même gros boss. Ça, c'est un peu plate, sauf plus vers la fin. Mais moi, j'ai pardonné tout ça, là, tu sais. C'est parce que je le trouve vraiment bien fait, puis rapide, puis comme les armes... C'est, Les armes, c'est carrément la configuration, justement, que tu puisses allouer des points plus à un truc, oui, qu'à un autre, oui, c'est puis vrai, modifier c'est ça. Tu donnes, t'as comme des points à donner aux armes elles-mêmes. Oui. Tu peux booster ton spacer, même si ça s'appelle pas de même. Là. Dans Metroid, ça s'appelle de même, un spacer. Le spacer, c'est Les trois beams. Les trois beams, comment ça s'appelle? Oui. Je pense que c'est ça, c'est le spacer. C'est le spacer. Ouais. Ben, ouais. Là-dedans, mettons, ton P-shooter, tu peux décider de le booster, puis il va être plus puissant, là, tu sais. Donc, c'est ça, t'as des petits éléments à jouer de même dans ton menu principal pour choisir, booster tes armes de la façon que tu veux. Et puis, c'est quand même assez profond pour un jeu de... J'ai la misère à dire un petit jeu, parce que je sais que les gars, ils travaillent tellement fort, là, tu sais. Mais ça a l'air d'un petit jeu d'extérieur. Ça a l'air d'un petit jeu, mais c'est un petit jeu parfait que j'en aurais pris, genre, 4 fois la longueur de ça, là, tu sais. Peut-être qu'il y aura une suite à un moment donné. Ouais, peut-être, on verra. Ce gars-là a l'air quand même pas mal occupé. Aussi, ouais, c'est ça, comme on voit à l'écran présentement, il y a un petit sous-marin que tu peux prendre la forme de puis naviguer dans l'eau. Il y a beaucoup, beaucoup de passages secrets. Il y a beaucoup de stocks à ramasser. J'ai d'ailleurs pas tout ramassé, mais il y a ça aussi qui est le fun, là. C'est, ouais. Non, puis moi, une affaire que j'ai apprécié, en fait, c'est que c'est un package quand même assez complet. Puis le fait que tu puisses avoir autant d'évolution dans tes armes, ça fait que même si tu dois revenir sur tes pas, puis tout ça, c'est quand même le fun. Il a réussi ce côté-là de Metroid. C'est pas long. Qui est pas évident. C'est pas si c'est long pas que ça. Parce que c'est ça, il y a catché qu'il faut pas que tu backtrack trop loin. Ouais. Que ça devienne un peu triste comme dans Monster Tail au DS, je trouve. Exact. Quand tu pognes l'upgrade, suite dans ta tête, t'as genre 4 spots que tu te souviens encore qu'il va être efficace pour passer là. Fait que suite, tu peux y retourner, là, tu sais. Donc, c'est pour ça qu'on s'ennuie jamais. C'est jamais comme emmerdant là, de retourner à l'arrière avec ce non, jeu. Non, c'est là. Ça. Moi, j'aurais pris plus de variété d'un boss. C'est la seule affaire que j'avais à y reprocher. Exact, exact. Ben, parce moi, plus long aussi, ça, mais en même temps, bon, c'est ça. C'est ouais, mon cœur qui a décidé de mettre. Mutant Mods, il avait rajouté des niveaux aussi par après, gratuits, puis tout ça. Donc, c'était plus une expérience plus grande, mais j'ai adoré ça, man. J'ai ouais, c'est vraiment bon. J'ai embarqué là-dessus, puis je l'ai fait, genre, je pense, en 3 shots. Là, ouais. Autant que le temps peut me le permettre. Puis loader la trame sonore sérieux sur YouTube, ben, ouais, là, ouais, est vraiment écœurante. C'est du bon stock. Si vous êtes membre du PlayStation Plus, là, chanceux que vous l'avez dans votre bibliothèque, t'sais, parce qu'il était gratuit. À un moment donné, moi, je l'ai découvert de même. Ouais, ouais, exact. C'est comme ça que je l'ai joué ça, moi, exact, sur PS4, justement. C'est vraiment une belle surprise là, par rapport à ça. Fait que, ouais, fouillez dans vos vieux downloads. Là, puis, moi, j'y ai joué sur 3DS à l'origine, mais là, il est partout. Ah, ben là, il est Vita et PS3 ou 4. Là, il est Vita, PS3, PS4, PS Vita. Ouais. Bon, fait que, il est partout. Ouais. Partout. Oh, ouais, il est vraiment partout. Là. Yeah. C'est une question de temps, ça, toutes les fois. Là. C'est un beau et jeu. Et voilà. Hey, ça, c'est fantastique. Tour, Nick. Ouais, fait que moi, je vais vous parler. Moi, j'ai choisi les jeux que j'avais passé le plus de temps à jouer cette année. T'sais. Fait que c'est pas nécessairement les meilleurs, mais ceux qui ont capturé mon attention. Le premier jeu que je vais vous parler, c'est Splatoon, en fait. Oui. Puis, tu sais, ce jeu-là, là, je l'attendais pas pantoute. Je me disais, ah, ça va être poche, man. Tu sais, c'est quoi? J'avais des images, ça avait l'air un peu... cartoony, je sais pas, j'aimais pas les graphiques originaux des premières versions qu'ils ont montré. Oh, on dirait vraiment que c'était pas du Nintendo ça m'a déçu. Ils ont fait beaucoup d'améliorations, puis en bout de ligne, quand le jeu est sorti, il y avait vraiment un petit côté addictif en fait. T'sais. C'est un jeu qui a le syndrome du je vais en faire juste une autre de plus. Ah, je vais en faire juste une autre de plus. T'sais. Nintendo font pas toujours les choses de la même façon. T'sais. À un moment donné, j'avais déjà lu quelque chose en disant qu'eux, ils regardent pas vraiment ce qui se fait ailleurs, puis ils refont leur propre système. Puis le matchmaking là-dedans, il est bizarre. T'sais, puis. T'sais, comme tu rentres dans un lobby, mais tu peux pas vraiment en sortir. T'sais, là. Par contre, ils te permettent de jouer un petit jeu. T'sais. Là, tu attends tes games, mais une fois que tu as comme ton équipe de lobby, dans le fond, c'est le même groupe que tu peux rejouer avec. Fait que les autres games vont aller très, très vite. C'est vraiment intéressant. T'sais, c'est un petit jeu. C'est un third-person shooter. Oui. Où, tu sais, tu n'as pas recours à la violence classique. T'sais. Maintenant, t'sais, c'est tellement... On va faire exploser des têtes, puis let's go. Ça, c'est de la peinture. T'sais. Puis... Ce que j'aime vraiment, c'est la dynamique du jeu où tu peux jouer à ta façon. T'sais. Le but, c'est d'avoir la map qui va être, dans le fond, le plus couverte de peinture possible. Fait que c'est des pourcentages à faire des deux équipes. Oui. Ça dit qui a gagné. T'sais. Mais il y a plusieurs façons que tu peux arriver à faire ça. T'sais. Un, tu peux avoir un gros rouleau peinturé partout à terre. Puis l'autre, tu peux avoir des armes, tuer les gens. Puis à partir du moment où tu as fait tes frags, ben, tu avances progressivement dans les maps. T'sais. Fait que ça donne plein de stratégies. Vraiment, en fonction du type de joueur que tu es, tu peux sniper au loin et faire un paquet d'affaires. Le gameplay est vraiment bon. T'sais, moi, je suis pas un gros fan de la Wii U Controller Gamepad. Je ne sais pas du nom officiel, mais même avec ça, aimer, ça allait bien. Je sais qu'on avait déjà parlé, toi, tu vois que ça allait moins bien. Moi, je m'étais très bien habitué. Puis c'est vraiment, puis à jouer avec des amis, ils ont rajouté plusieurs features au cours des mois. T'sais, si vous avez joué au lancement, c'était un bon jeu. Il est encore meilleur aujourd'hui. Ils ont rajouté des cartes, rajouté des armes, un paquet d'affaires gratuits. Oui. Puis moi, j'aime ça. T'sais, dans le fond, les 3 jeux que je vais vous présenter ce soir, ils sont meilleurs aujourd'hui que quand ils ont été lancés, en fait. Là, c'est comme, ça, c'est vrai, c'est vraiment amélioré. Il y a une thématique que je me suis installée au niveau de mes choix, mais celui-là, c'en est un. Super belle surprise. T'sais, vraiment le fun. Puis tu sais, c'est un beau jeu relaxant, le fun. Il y a quand même le côté skills là, que vous allez chercher dans n'importe quel jeu multijoueur. Là. Mais je trouve que c'est un peu comme Smash, en fait, sur le côté des skills. C'est que n'importe qui peut être bon à Splatoon, en fait. Puis quelqu'un qui a de l'expérience d'un third-person shooter ou même d'un first-person shooter n'est pas nécessairement bon à Splatoon. Ouais, non, c'est clair. Là, c'est comme t'as un petit cours d'apprentissage, mais quand même assez rapide, là, je dirais. Oui. Tu sais, à un moment donné, là, c'est une question des niveaux. Tu vas avoir des meilleures armes. Fait que des fois, c'est plus dur à aller tuer certaines personnes. Mais tu peux quand même juste prendre le jeu, commencer à jouer. Puis dans 3-4 games, tu vas être assez familier. Oui. Honnêtement, ça a été une belle surprise, comme j'ai dit. J'étais sûr que j'aimerais pas ça. J'ai vraiment bien aimé ça. Puis j'ai joué en ligne, en solo avec des amis. Ouais. Puis super expérience, honnêtement. Hein. C'est, pour moi, ça a été une surprise. Puis je suis content parce que Nintendo, c'est rare maintenant qu'ils nous donnent des nouvelles franchises. Ouais. Ouais, ils nous en donnent une, moi, m'a plu. Fait que j'ai hâte de voir là, ce que le futur va nous réserver. Mais, moi, ce que je souhaite, c'est un update pour 4 joueurs. En local, ça serait vraiment écœurant. Je pense pas que l'engin il était fait pour ça. Là, fait que, c'est dommage parce que ça, 2, serait, là, ça mais... se porte bien quand même. Puis tous leurs jeux se jouent à 4. Ouais, une grosse TV, tu sais, puis un type... Puis de pouvoir jouer sur la manette. Tu peux pas jouer sur la manette. Ouais, ouais. Donation. Ça aussi. Ouais, bon point. Coudon, mais on peut rien faire là-dedans. Non, non, non, on peut faire plein d'affaires, mais moi, en fait, c'est parce que tu comme... peux jouer, je veux dire, tu peux pas jouer avec la manette, tu peux pas jouer avec l'écran de la manette. Exact. Certains autres jeux, il faut que tu regardes la télé. C'est ça. Mais non, vraiment, moi, je peux... Mais il est écœurant, en fait. Moi, c'est pour ça. C'est des affaires qui... C'est les seules affaires qui m'ont buggé du jeu, parce que le jeu, il est incroyable. Là, c'est pas mon genre d'habitude, ce genre de jeu-là. Fait que, en tout cas, beau petit choix. Fait que moi, j'ai pris moins de temps. Zardoz va pas me chasser. Non. Alors, je passe le mic... À Mike. Avant de commencer le prochain, j'aimerais remercier Sébastien Petitpas qui vient nous faire un don de 20$ via PayPal. Yes! Tabarnouche! Merci, Sébastien. Merci, on merci finit beaucoup. L'année en force. Merci beaucoup, Sébastien. Il est bien gentil. Si tu le connais, toi, non, Michael? Non, je l'ai. C'est genre, même s'il vient de mon coin, on sait pas encore. Il vient de cette île, lui aussi. C'est vraiment comme cette île à soir. D'habitude, c'est tête ferme. Ouais. Ah, puis il aime le métal. Il aime le métal. Exact, exact. All right. Il est dans un band de métal, cette île. Ah oui? C'est un drummer, ouais. Il m'a acheté beaucoup de jeux. C'est quoi? Hey, tu me diras le nom de ton band, man. C'est Feast of Corpse. Feast of Corpse? Ouais, au Corpse. J'ai mal prononcé le mot. Ah, nom. Feast of Corpse. Ouais, on se nourrit de des cadavres. Ouais, c'est ça. C'est fantastique, ça. Ouais. Puis t'as rasé ta barbe, man. Ton épique barbe. Ouais. J'ai vu ça sur ta photo. C'est pas correct, ça. Non. C'est pas correct, ça. En fait, il a vendu sa barbe. Le pour gars, les quand ventes. Il était chez lui. Ouais, c'est ça, en fait. C'est de là qu'il vient le 20. Pour faire le don. Le gars, il était chez lui. Il avait de grosses barbes sales. À cette heure, il rentre dans une compagnie indie, man. Ouais. Il est proprette. Oh, c'est de ta barbe, là. Ouais, toi avec. Ouais, moi aussi. Bon, hey, toi, t'avais une barbe de bûcheron, là. Il se trouvait des affaires là-dedans, mon gars. À chaque fin de projet, j'avais une barbe assez épique, là. C'était comme de pire en pire, là. On voyait plus ta bouche. Non, c'est ça. Fait que bref, moi, je vais vous parler de Axiom Verge. Crime, oui. J'aurais tellement voulu jouer à ça cette année. Ça, là. C'est un autre Metroidvania qui est dans la même veine que Zero Drifter, un jeu à pixel art. Il doit être tellement plus complet, par exemple. Ah oui, là, oui. C'est sûr, ça, c'est un jeu qui était développé par Tom App pendant 5 ans. Juste dans la dernière année, il a travaillé le jeu à temps plein, mais juste. Imaginez qu'un gars a fait ça tout seul, il a fait tout, le code, le graphisme, la musique, le level design, c'est juste fou. Puis évidemment, étant Metroidvania, mais il est en plus dans la branche Super Metroid, t'as vraiment la vibe Metroid quand tu joues à ce jeu-là, tellement que tu te demandes, c'est comme, est-ce que c'est un rip-off? Mais il joue entre la ligne, vraiment entre le rip-off, l'hommage, mais il y a assez de trucs différents qui fait que t'as une nouvelle expérience en jouant au jeu. T'as des armes vraiment différentes, comme les power-ups que tu pognes sont vraiment différents, comme tu pognes une drill qui permet de driller dans le sol. T'as une espèce de gun qui est comme des glitches un peu partout dans le monde. Tu mets ton gun là-dessus, puis là, ça révèle des plateformes. Ça fait apparaître les plateformes. Un power-up que j'aime bien, moi, c'est comme t'as comme des côtes de chimiste. Là, ouais. Puis là, tu pognes des upgrades que ça, puis ça te permet de traverser à travers les murs. Ça, je trouve ça vraiment cool. Je trouve que ça change vraiment la navigation du jeu. Une autre affaire aussi que je trouve vraiment cool dans les power-ups, c'est à un moment donné que tu prends un petit drone. Puis là, de plus en plus, genre, tu peux faire des sauts avec, il peut te téléporter, vraiment des places vraiment un peu partout dans le tableau, comme tu veux, genre. Puis l'ambiance, ça reste comme Metroid, mais c'est comme un peu plus dark aussi. Hein. Ouais. Vraiment. Ben, c'est parce qu'aussi, ça se passe maintenant. Tu sais, t'es comme un dude normal, t'es un dude vraiment. Là. En gros, t'es comme un scientifique. T'es un scientifique, des gars. Tu fais des expériences, là, genre, puis... avec des trucs, genre, de téléportation, je sais pas. Ouais. Genre, en gros, ils font une expérience fail, puis ils se remontent dans une espèce de monde spécial avec des gros monstres là, qui sont comme en guerre depuis des années. Là, puis le but, c'est comme de se défaire du méchant qui est là. Mais là, je regarde la life bar, c'est pareil comme Metroid. Oui, là, c'est ça, tu sais. Tu regardes c'est le jeu. C'est vraiment pareil, là. Même, il y a beaucoup de codes, hein, même dans le level design, ça rappelle Metroid. C'est comme. Quand tu commences le jeu, le level design est vraiment contraint pour être sûr que tu te perds pas. Plus en plus, t'assures que chaque power-up que t'apprends. La seule affaire que j'ai pas aimé vraiment beaucoup, c'est que, contrairement à Metroid, c'est pas immédiatement que t'apprends comment te servir du power-up que tu viens de pogner. C'est pas tout le temps comme ça. Fait que des fois, tu fais comme, ah, il sert à quoi ce power-up aussi? Ouais, c'est vrai. Il y a aussi, en plus des upgrades que tu pognes plus. Il y a beaucoup de guns que tu pognes là-dedans. Le problème, par contre, c'est que la majorité du gun, tu t'en sers jamais. Il y en a un qui est très bon, c'est genre, ça, tu le prends tout le temps. C'est ça, moi, lui, je pense que lui, j'ai fini le jeu, c'est celui qui a l'espèce de gun en éclair. Ouais. Qui fait plein de notes, c'est ça, je me suis servi tout le long de jeu. C'est parce qu'en fait, c'est ça, on dirait. Ben, j'aimais pas l'outil de sélection aussi. Ce qui faisait que j'utilisais tout le temps la même affaire. Ben, c'est ça, dans l'outil de sélection, tu peux t'assister comme deux armes, puis là, t'accroches un bouton, t'as tout poigné l'autre arme d'avant, puis là, hey, come on, là, je veux. Non, c'est lui que je veux, c'est. Ouais, c'est ça. Hey, laisse-moi patience, là, tu sais. Bref, ça faisait longtemps que j'avais pas été accro à un jeu vidéo comme ça. Ah oui, vraiment. Tu sais, je sais pas, je sais que je parle à toute force de mon éducation, mais je joue pas tant que ça chez nous. Genre, je prends vraiment pas le temps. Puis là, c'est comme, je pense à la semaine, hey man, faut que j'action verge à soir, ça va être malade. Ah, ouais. C'est vraiment. Ça, c'est le fun, ça. Tu sais, ça faisait vraiment longtemps que j'avais pas eu ce feeling-là, genre de comme être accro aussi à un jeu. Comme, le jeu m'a vraiment happé. J'ai vraiment eu une très belle expérience à jouer à Action Verge. Ça faisait longtemps. J'ai eu ma dose aussi. Ça fait longtemps que j'attends un Metroid en 2D. Là. Ah, j'étais un gros fan de Metroid en 2D. Les Metroid Prime, j'ai pas tant accroché. J'ai pas eu le temps non plus de vraiment jouer. Fait que j'ai comme eu ma dose de Metroid. C'est comme assez proche. Nintendo, il niaise tellement avant de faire un prochain Metroid 2D que c'est pour ça qu'on a tellement de jeux 2D. Exact. Ils pallient au manque de Metroid 2D. Exact. En créant plein de jeux pareils. Là, fait que c'est ça. C'est pas mal le jeu vraiment qui me. Sur quelle console? Ben, c'est juste sur PS4. Mais ben, c'est ça, il est sorti PS4, PC. T'sais, c'est surtout Sony puis PC. Ouais. Il est pas sorti sur les plateformes de Nintendo. T'sais. Non, il est pas encore sur la Vita, mais il travaille à sortir la version Vita parce que moi, d'après moi, c'est un jeu qui est parfait pour la Vita aussi. Ah, là, c'est ça. T'as tellement de backtracking et de stock à faire. Là. Encore comme Mercenary Kings, c'est un problème de technologie. Exact. C'est le même genre de technologie que Mercenary Kings, fait qu'il pogne les mêmes embûches. Ah oui. C'est assez compliqué, René. Non, puis le gars, il est tout seul. Moi, quand j'y avais parlé, il disait, écoute, maintenant, j'ai un agent, je comprends pas ce qui m'arrive. T'sais, lui, le succès qui est arrivé avec ce jeu-là, il s'attendait à quelque chose de correct, mais pas tant que ça. Qu'il revienne à ce que son taux d'argent revienne, mais je pense pas que ça attendait à succès. Ah non, mais c'est énorme comme succès. Là. Le gars, il est tout seul. Ah, mais il mérite totalement. Ben oui, c'est hallucinant ce qu'il a fait. Cinq ans pour travailler sur un jeu, tu sais. Comme tu dis, un an à temps plein, là, c'est à un moment donné. Avant, c'était un an à temps plein, là, il faisait ça, genre, il travaillait dans une compagnie de jeux vidéo, il faisait ça dans ses temps libres, tu sais. Mais tu sais, pas juste qu'il se tape la programmation, il se tape tout, là, le graphisme, la design, c'est quand même, faire du graphisme, c'est quand même la job, c'est vraiment demandant. Là. On va passer à Mario qui est en train de cailler dans le coin. En checkant le Twitter. Es-tu bonne ta belle gueule brassin des fêtes? Ouais, bonne. C'est une rousse, quoi? Je pense c'est que dur ouais. à dire. Yes. Brassin des fêtes. C'est bière au pied de poule. C'est ça, je vais aller me chercher. Oh non, lait de poule. Au lait de poule. Au pied de poule. Je vais vous parler de. Bière au poulet. Monster Hunter 4 Ultimate. Qui est juste sur 3DS. C'est une franchise qui est super populaire au Japon. Un petit peu moins populaire. Chez Retro Nouveau. Chez Retro Nouveau, en effet. Puis je me rappelle que Bruno avait fait une critique vraiment désastreuse. Mais c'est vrai que c'est pas un jeu accessible, c'est pas un jeu que je recommande du tout à tout le monde. J'avais téléchargé le démo, moi, c'est à 3DS, j'ai trouvé ça, c'était un cauchemar pour moi. Non, c'est pas pour moi. Il y a une grosse courbe d'apprentissage. Ouais. Puis au fond, c'est. Je pense que c'est Capcom qui fait ça. Ouais. Puis au fond, le. C'est assez particulier, c'est un action RPG. Puis là, tu crées un personnage, puis là, tu as accès à une panoplie d'armes différentes. Puis chaque arme se joue de façon complètement différente. Fait que si tu veux vraiment maîtriser une arme, faut que tu choisisses une arme, puis tu vois c'est quoi les moves de cette arme-là, parce que le mapping des boutons dépendant des armes est complètement différent aussi, puis ce que tu peux faire est complètement différent, puis les stratégies sont complètement différentes. Puis. Au fond, il y a quand même, tu sais, il y a une histoire. Tu arrives à une place, puis au fond, il y a tout le temps un hub où est-ce que dans ce hub-là, t'as des vendeurs. Oui. Revendeurs. C'est ça. tu peux faire du crafting et tout. Puis là, t'as une espèce de guild qui te donne des quêtes. Puis là, mettons, la quête, tu dis, tel monstre a été repéré à telle région, il faut que tu ailles le battre. Puis là, tu fais « OK, tu acceptes la quête. » Puis là, tu pars puis tu es téléporté dans une région, à différentes régions du jeu. Puis là, cette région-là est comme immense, elle est comme différents secteurs. Puis là, il faut que tu trouves le monstre en particulier que tu dois trouver. Puis là, c'est des monstres « huge ». puis qui prennent vraiment, vraiment du temps à battre. Puis il faut vraiment que tu utilises toutes les habiletés qui sont à ta disposition et également tous les outils qui sont à ta disposition. Tu sais, tu peux acheter des traps, là, comme des traps électriques. Le bon, s'il va arriver dans le trap, il va rester pogné un bout de temps. Tu as des explosifs. Tu sais, comme tu as vraiment, vraiment plein de façons différentes de les battre. Si tu les tues, tu peux les tuer. Certaines missions vont par exemple te demander que tu peux pas le tuer, il faut juste que tu le captures. Là, c'est un peu plus compliqué. Il faut que tu amènes des traps, il faut que tu amènes quelque chose pour après ça le tranquilliser, etc. Puis dans les missions où est-ce que tu peux les tuer, si tu choisis de les capturer, ça te donne quand même plus d'items à la fin. Donc, et là, chaque monstre à la fin de. Quand tu as réussi ta mission, la mission se termine, tu peux après ça. Carver le monstre pendant qu'il est à terre. Puis après ça, tu obtiens des items qui vont te servir à créer des nouvelles armes, puis créer des nouvelles armures qui sont à l'effigie des monstres que tu as tués. T'sais. Quand tu vas le dépecer, c'est-tu gory? Non, pas du tout. Oh. Disparaît rapidement. Non, le jeu, il y a c'est pour tous. D'un côté, c'est. Ouais, d'un côté, tu sais, c'est OK, ouais, tu te bats contre des gros monstres, puis tout ça, puis ils font peur. Mais il y a un côté très humoristique aussi au jeu. Il y a un côté quand même cartoon, tu sais, parce que on ne le voit pas dans la vidéo, mais quand tu joues tout seul, au début, je pensais tout seul, mais après ça, quand tu avances dans la campagne, tu as des chats, des petits chats qui s'appellent les palicots, qui viennent avec toi, puis ils t'aident. Puis là, tu peux aussi les équiper eux autres, puis ils ont différentes habiletés. Ah, c'est pas ça aussi que Nintendo avait fait des costumes creepy de Mario puis Luigi? Ouais, c'est ça. Ils ont sorti des Mario puis Luigi, puis une autre affaire où est-ce que tu peux donner ces costumes-là à tes palicots. Puis tu peux les customiser aussi. Ça fait que c'est un jeu avec un contenu comme incroyable. Puis ce qui est le fun dans le 4 comparé au 3, c'est que tu peux jouer facilement en ligne. Dans le 3, tu fais juste jouer en local, puis la version Wii U, tu fais jouer en ligne. Okay. Le 4 est juste sorti sur 3DS, puis tu peux jouer autant en local qu'en ligne. Ah, c'est cool. Tu as comme deux campagnes différentes. Quand tu joues en solo, c'est une campagne, puis quand tu joues en ligne ou en local multijoueur, c'est une autre campagne. C'est du co-op, ça, en fait? Ouais, c'est du co-op. Tu peux jouer jusqu'à 4 ensemble sur une mission, puis c'est pas grave si t'es pas le même level. Tu sais, comme. Puis ce jeu-là est sorti comme je pense au début de l'année, puis j'y joue encore, un peu on et off. Je joue surtout quand l'autre jour, je suis allé chez un de mes amis, puis on était trois, on joue à Monster Hunter, puis les autres sont rendus comme level 82, moi je suis level 4, mais c'est pas grave. Ouais, c'est ça. Ils m'aident à avancer dans. Tu chasses la perdrix, eux autres, ils chassent même le dragon, le Black Dragon dans les cavernes. C'est pareil comme dans Parador, tu sais, la gang, ils ont continué à jouer à Donjon pendant 15 ans, tout en rien. Va dépasser ta souris. Bon, ben, c'est mais en tout cas, c'est bien le fun comme jeu. Mais il y a une grosse curve, puis c'est pas recommandé à tout le monde. Mais si t'es prêt à t'investir, c'est cool. Moi, juste avant de terminer, y a-t-il une histoire intéressante dans ce jeu-là? Parce que à chaque fois que j'entends parler de Monster Hunter, j'ai juste l'impression que c'est juste du grinding. Tu vois, moi, j'ai de la misère maintenant avec les jeux qui ont du grinding. Ouais. Mais ce qui est le fun là-dedans, c'est que contrairement à un gros RPG open world comme Xenoblade, c'est des petites missions, tu sais. Fait que si t'as le temps de faire une mission dans le métro, ben au moins t'as quand même progressé. T'as pas ce sentiment que j'ai pas le temps de jouer. Puis tu sais, souvent j'arrête de jouer à des gros RPG comme Xenoblade parce que je joue juste par petites bribes. Puis là, quand je reviens, je suis comme je t'ai rendu où? C'est quoi l'histoire? Tandis que là-dedans, l'histoire est quand même très simple. Tu sais, c'est comme il y a un gros monstre à telle place, puis il va le battre. Puis quand tu avances dans la campagne solo, tu changes de hub, puis il y a une histoire avec ça, mais tu sais, c'est pas une grosse histoire. Le fun, c'est vraiment de. Je pense, jouer tout seul et en gang, mélanger un peu les deux modes, c'est vraiment la meilleure façon d'avancer dans le jeu. Cool. Il y a Ellie dans le chat qui demande pour Monster Hunter, quand tu tues un monstre, est-ce que tu peux y pogner le pénis pour conserver la vessie? Ah ouais? Non, tu peux pas y pogner le pénis. Mais attirer les femelles, des points d'expérience. Ce qui est le fun, c'est que. Dépendant de où est-ce que tu le frappes, tu vas endommager le monstre à différents endroits. Ah, si tu le frappes toujours la vessie. Non, mais. il se reproduit plus, il n'y a plus de ce monstre-là dans les prochaines versions. Si c'est un monstre que genre, tu y frappes toujours sur la queue, Ben, et voilà. Tu peux meilleur exemple. Tu peux y couper la queue puis curver la queue séparément puis ça donne accès à d'autres items. Ah ben, si le monstre il y a une habilité qu'il utilise, mettons quelque chose sur sa tête puis que c'est vraiment chiant, si t'arrêtes pas de le frapper là, à un moment donné ça va casser, là, il peut plus utiliser cette habilité là. Donc c'est vraiment deep quand même à ce niveau là du jeu. Excellent. All right. Cool. Prochain c'est fait toi, Jean-Jacques. Ouais, c'est moi. Ouais. Moi, je vais vous parler de l'homme chauve-souris qui a fait un jeu assez extraordinaire cette année. C'était Arkham Knight. Puis c'est ça, en fait, Batman, maintenant, c'est le fun parce que pour ceux-là qui n'ont pas joué aux deux autres, ben... Sans même crise d'affaires. Ben, en fait, ceux-là qui n'ont pas joué aux deux autres ont dû voir des annonces de toute façon. Ouais. Fait que là, à soir, je vais ruiner Noël pour vous autres si vous n'avez pas encore joué. Joker est mort. Puis, Joker, c'est... En fait, arrête pas de te hanter tout le long du jeu. Puis ça, c'est fantastique parce que ça fait des dialogues absolument incroyables. Puis ça fait aussi que tu vois que Batman, c'est un fucké. Puis il n'y a pas nécessairement des bonnes intentions, puis tu sais, tu te dis jusque où tu irais pour vaincre les ennemis dans Gotham. Oh, ouais, hein, cette toune-là. Ah, hein? Cette toune-là, man. Ouais. J'écoute ça en elle te ramène à des places. Là. Ah, ouais, elle m'amène à des belles places. Là. C'est la toune de Monsieur X dans Mega Man 6. Caroline, c'est bon, ça. Ouais. Mais c'est ça, bref, moi j'ai trouvé ça vraiment fascinant, ce Batman-là, parce que autant au niveau de l'histoire, au niveau des performances, justement, des voix, tout ça, Mark Hamill, toujours aussi incroyable. Puis, aussi niveau gameplay, ben, ils ont amené le jeu ailleurs quand même. Ils l'ont vraiment développé. C'est beaucoup plus fun. C'est plus rapide, en fait, que les autres jeux. C'est un monde pseudo-ouvert, en fait. T'es dans Gotham, mais c'est pas nécessairement ouvert parce que t'as quand même des limites. Mais ce qui est le fun, c'est que maintenant, avec la nouvelle génération, ben au moins, tu peux aller n'importe où, puis la carte n'est pas arrêtée. Il n'y a pas quelque chose qui apparaît au loin. T'sais, vraiment, tout est là, tout est fluide. Puis ça se passe la nuit, ça se passe avec de la température dégueulasse. Il pleut pas mal tout le temps. Fait que c'est le fun quand même. Le jeu est vraiment beau visuellement, puis... Le jeu, en plus de ça, il y a la Batmobile maintenant. La Batmobile, il y a beaucoup de monde qui ont trouvé que c'était vraiment pourri. Moi, j'ai vraiment aimé ça. J'ai trouvé que c'était vraiment une belle addition, surtout quand tu fais des poursuites, c'est vraiment le fun. Il y a un moment aussi où ta Batmobile se transforme en une espèce de tank pour tirer les autres véhicules. Fait que t'as comme une espèce de partie shooter, un peu comme justement un jeu de tank. Puis ça, j'ai trouvé ça vraiment le fun parce que ça varie le gameplay. Puis je trouve que c'est un jeu qui en avait besoin parce que même s'il est excellent, tu sais, amener d'autres choses, c'est toujours intéressant. Puis à un moment donné, on n'est pas pour faire donner une mitraillette à Batman puis qu'il ait shooté du monde. Là, fait que c'est vraiment le fun. J'ai vu Robin puis Nightwing, man. Ah, ah, ah, ah. On peut-tu les utiliser puis tout? Oui, c'est qu'en fait, ils viennent t'aider dans tes missions. Ouais. Ce qui est le fun, c'est qu'ils viennent t'aider, mais au moment où ils viennent t'aider, à place d'être spectateur de ça, tu peux incarner l'autre bonhomme pendant qu'il t'aide. Cool, ça, j'ai trouvé ça vraiment cool que tu peux switcher comme ça. Il avait annoncé au départ, il avait dit « Ah, ça va être comme GTA, tu vas pouvoir incarner plusieurs bonhommes. » Je me disais comme « Voyons donc, si c'est l'histoire de Batman, ça va être un peu weird que j'incarne quelqu'un d'autre. Ouais. » Puis finalement, c'est le même qui ont trouvé à faire ça. Bon, ça, bon, oui, c'est bien le fun. C'est pas mal le fun. C'est pas un gros feature. Ben, c'est... Dans un sens, oui, parce que je trouve que les autres jeux devraient en prendre de la graine. Oui. Une autre expression. Prendre la graine. Prendre la graine. Non, mais c'est parce que je trouve ça intéressant de pouvoir jouer un autre personnage à la place d'être juste spectateur de la scène. Sûr, c'est sûr que c'est fun. Mais souvent, c'est ça arrive dans les jeux next-gen. Est-ce que les contrôles sont différents entre les personnages ou c'est comme c'est assez similaire? Non, c'est assez similaire que tu puisses te retrouver tout de suite parce que la plupart du temps, c'est, mettons, t'es... comme mettons, je donne un exemple, tu sais, le pingouin là-dedans, c'est un crotté qui vole des banques, puis il faut que tu ailles dans ses. Faut que tu traques le véhicule qui se rend jusqu'à son hideout, puis après ça, lui, il y a une grosse caisse là-dedans, un gros coffre-fort qu'il faut que tu ouvres, mais il faut que tu t'approches les ennemis avant. Fait que là, Batman se retrouve dans la cave, puis le Robin y arrive, il est comme oh putain! Puis là, ben, les deux vont collaborer, puis là, à ce moment-là, tu vas te battre avec les ennemis. Fait qu'il faut que tu apprennes comme vraiment rapidement. Là. T'as pas de temps pour découvrir comment l'autre fonctionne. Fait que c'est comme plus des skins de Batman. C'est quasiment juste des skins. Sauf que ça ajoute quand même au jeu pas mal. Puis aussi, des fois, mettons, Catwoman est prise à quelque part, ben là, tu vas... T'incarnes Batman, t'incarnes Catwoman. Tu sais, tu vas vraiment changer de personnage comme ça une fois de temps en temps. Puis les parties stealth, les parties furtivité du jeu ont été améliorées aussi. Il y a vraiment... En fait, je trouve que c'est ce jeu-là, c'est génial parce que des fois, le troisième jeu d'une série manque sa shot. Ça arrive souvent que genre le deuxième, c'est mon meilleur, puis que le troisième, c'est... T'sais, c'est arrivé en Uncharted, entre autres. Peut pas rater, là. Ils pourraient en faire 10, ils vont tout être pas mal similaires, ils vont tout être bons. Ben, tu sais, c'est parce que Batman, on commence à avoir fait le tour. C'est le quatrième, en fait. Ouais, c'est ça, c'est le quatrième à cause de... Blackgate. En fait, c'est le troisième... c'est le troisième de Rocksteady. Fait que c'est pour ça. Origins était de Warner Bros. Montréal. Mais c'est ça, tout ce que j'étais à dire, en fait, c'est que ce troisième-là, ils l'ont réussi. C'est le meilleur Batman. Puis, sérieusement, un jeu comme ça, là, sur le next-gen, moi, ça a été mon jeu visuellement qui m'a vraiment le plus impressionné. Parce qu'il y a avec encore, l'intégration, tout ça. Inexplicablement des gargouilles dans chaque pièce que tu vois. Que tu peux monter dessus. Non. Okay. Non, mais de gargouilles à Gotham roule en Mercedes, c'est clair. La gargouille. En tout cas, fait que c'est bien dark comme jeu. C'est bien triste son destin à Batman. Ouais. Hein? Ouais. Ben moi, je vais vous ramener vers un gars qui a un destin quand même heureux dans l'espace. Ah, oui? Il s'agit d'un petit lapin vert. Bucky O'Hare. Puis là, j'ai joué à ça l'année passée, mais genre dans le temps des fêtes, l'année passée. Mais j'ai pas fini le jeu, tu sais. Là, j'étais comme « Ah! » Mais j'en ai juste parlé vite à notre premier épisode après. Quand on est revenu de Noël, puis là, je me dis, ça compte-tu comme un jeu de cette année? Parce que je viens de le finir, là, il y a genre 3 semaines. Puis là, j'étais trop dedans, tu sais, puis j'avais bien aimé ça, donc je voulais le mettre dans mon top. C'est correct, ça. C'est un excellent, je dirais, frénétique platformer fait par Konami. Et c'est très rapide, mais run and gun aussi, on pourrait dire. Ouais, c'est très run and gun. C'est comme le Megaman de Konami, là. Ouais, c'est ça. Mais c'est beaucoup, beaucoup plus rapide que Megaman. Ouais, le sprite est plus gros. Le sprite est... Ça, c'est une affaire qui frappe vraiment quand gros. Tu commences à jouer à ça. Le sprite est très gros, puis l'action se passe vite. Et c'est très difficile, parce que tu meurs beaucoup, beaucoup, beaucoup. Au début, tu sais, mais moi, je trouve que c'est un peu comme Super Meat Boy, tu sais, au sens que tu recommences tout le temps immédiatement où est-ce que t'es mort. Ben, ouais. Immédiatement. Au moins, le screen de retour au jeu, ouais, il est pas trop long, là, tu sais. Ouais. Fait que c'est ça. Puis, peu importe, tu sais, t'as 3 vies. Puis, ben, tu peux en ramasser d'autres, là. Puis, bon, en jouant, tu ramasses des trucs, là, qui te donnent plus de life. Et puis, ben, c'est pas mal ça, me semble. Ils te donnent plus de life. Mais ouais. Quand tu perds tes 3 vies, là, tu prends un continu. Fait que tu perds tes upgrades de life. Ouais, ils sont quand même pratiques, les upgrades de life, là. Ben, ouais, mais à un moment donné, tu fais 100, tu sais, parce que tu crèves tout le temps. Anyway. Ouais, fait que tu peux jamais vraiment en bénéficier tant que ça. Ça a jamais, pour moi, été une stratégie de me dire... Fuck, là, faut vraiment que je garde toutes mes upgrades de life pour finir ce boss-là. J'ai tout le temps fait les boss avec whatever life que j'avais, tu sais. Puis ça a été correct de même aussi. Puis tu peux changer de bonhomme on the go. Ouais, c'est ça. Mais juste pour finir avec mon point, c'est que peu importe si tu perds des vies ou que tu prends un continu, tu vas recommencer à la même place quand même. OK. Et ça, c'est le fun parce que le niveau, il est séparé en sections. Puis des fois, tu pourrais penser que quand tu as perdu tes 3 vies, tu recommences au début du niveau complètement. Mais non, tu recommences quand même au début de la section. Oh. Ça fait une très grosse différence. Parce que si ça avait été le contraire, t'aurais jamais fini cette crise de jeu-là. Je pense que t'aurais écrit ça au vidange. Ah non, ça aurait été là, pas drôle puis pas le fun. Fait qu'ils ont été wise au moins, Chris. Ils ont catché qu'ils avaient fait un jeu très difficile, mais ils te font recommencer, fait que tu peux le faire. Mais par exemple, le downside de ça, c'est que tu sais, inévitablement, tu finis ce jeu-là parce que veux pas, à force de recommencer tout le temps le même segment, tu finis par l'apprendre par cœur assez vite. Fait que c'est ça. Puis, ben, c'est oui, parfait pour une location, ça. Ouais, ouais, au je te dirais au choix, que oui, là, enlève la pignonche. Pour un job d'une fin de semaine, là, ça se fait. Ouais. Puis, comme tu disais, oui, on peut switcher de personnage. En fait, on les débloque. Ouais, on les débloque au fur et à mesure, à chaque niveau. Puis, ils ont tous un genre de petit pouvoir, plus ou moins utile. Mettons, Bucky, lui, son pouvoir, c'est qu'il peut sauter plus haut. On a le petit, je connais pas leur nom. Le petit robot, lui, quand il tire, ça peut passer à travers, ça peut détruire des blocs. Le canard, il colle sur le mur. La fille, je sais pas trop ce qu'elle fait, la fille. Je me dis qu'elle tire plus fort que les autres. Je sais pas, je l'ai pogné dans mon dernier playthrough. Ouais, c'est ça. Fait que je sais pas trop, mais les autres personnes, tu sais, c'est pas à se jeter à terre, là. Tu peux faire la job avec Bucky tout le long, sauf le petit robot, des fois, t'as pas le choix de le prendre, lui, pour parce qu'il est plus petit aussi, le sprite est plus petit. Puis il détruit des murs qui sont inévitablement à détruire. Donc, c'est ça. Il y en a pas un qui est comme à l'aise avec dans la glace, des trucs comme ça. Ah, peut-être que la fille, elle glisse pas sur la glace. Ah, parce qu'elle est bleue, ça se peut, ça. Ça se peut, je l'ai même pas essayé. Le Mike Matte, le sidekick du Angry Video Game Nerd, en avait parlé dans un de ses tops des meilleurs jeux NES. Puis il montrait justement le segment qu'on voit présentement à l'écran avec des petits chariots qui vont vite. Là. C'est ça. Donc c'est un très très bon platformer. Vraiment. Il y a du blast processing quand ça allait. Ben, t'es pas si loin de la réalité parce que la team que travaille sur Bucky Ray, c'est le core de Treasure en fait. Ouais. Ah, c'est okay. Pour ça. Ah, ouais. Ça paraît, là, je trouve. Ben, parce que pour un jeu NES, j'en ai jamais joué un autre que cette vélocité et ce platforming-là, tu sais. Il est unique, je trouve, en son genre. Ah, c'est ça, j'ai découvert ça récemment par My Life is Gaming. C'est un channel YouTube que je suis. Puis c'est comme, là, t'as regardé ça. Ça a l'air d'un jeu de Treasure, là. Ah, ben, c'est en plein ça, man. Ouais. C'est donc bien cool, ça. Je suis surpris, je pensais que c'était basé sur une série télé, mais c'est basé sur un comic book. Oui, qui a fait aussi une série télé. C'est un comic book, série TV, qui a pas levé pendant tout. Là, ça a duré une saison ou deux. Là. Ouais, c'est ça, ça a pas super marché. C'était dans le high des Ninja Turtles. Là. Ouais, c'est ça, qui faisait des mascottes avec tout. Là, genre, là. Mais ça a pas l'air très intéressant. Il se vend combien sur le marché, mettons, lousse? Là, je pense qu'il était autour de 60$ l'année passée. 60, 80. En fait, il doit être rendu à 80. Ah ouais, c'est ça. Il est rare? Ouais, il est rare. Il est vraiment commun. Puis c'est très cool si vous tombez là-dessus, dans une vente de garage. Marché au plus, c'est un must. Puis il est pas vraiment disponible en console virtuelle nulle part. Non. Fait qu'il y a aucun autre moyen de l'essayer vraiment, sauf que d'avoir la copie originale. Puis Zardoz, il va le saut. Fait que c'est ça, man. Moi, c'est ça. Il y a des. Je voulais juste finir par dire que le platforming, quand même, là-dedans, est pas répétitif. Tu sais, il est surprenant. À l'horizontale, à la verticale, dans tous les sens, il y a un niveau que c'est juste une grosse roue qui tourne. Faut que tu t'infiltres dedans, puis elle te donne comme une horloge qui tourne. En tout cas, man, ils te surprennent, là, de bien des façons. C'est pas ennuyant du tout, du début à la fin. Même le dernier niveau est en shmup, et le boss final se fait en shmup. Fait que, ils ont vraiment mis le paquet. C'est un excellent jeu. C'est cool, ça. Achetez ça. Même à 60-80$, si vous êtes amateur de NES, je dis achetez-le quand même, parce que c'est bon et c'est un bel item. Ah, il est sur ma wishlist. Ah, totalement. Good, fait que c'est à Nick. Moi. Nick? Oui. Donc, moi, je vais vous parler du jeu que j'ai sans aucun doute joué le plus cette année. Heroes of the Storm. C'est un jeu, un bon vieux MOBA, là. Donc... ça a été produit, développé et publié par Blizzard. Donc, tu sais, c'est dans le fond, c'est ça, en fait. C'est, pensez à n'importe quel MOBA que vous avez joué, là, Dota 2, League of Legends. Puis c'est la version Blizzard de tout ça, tu sais. Mais Blizzard font jamais vraiment les choses à moitié, tu sais. C'est toujours ça leur façon, là. Exact, tu sais. Fait que là, c'est vraiment à la sauce Blizzard, tu sais. Moi, ça m'a vraiment plu parce que une des choses que je trouve au niveau des MOBA, tu sais, c'est... t'as souvent des rôles qui sont campés, tu sais. Là, ils appellent ça le méta, là, tu sais. Mais tu vas arriver d'une game, le League of Legends, tu sais. Puis tu vas être pogné dans un rôle. Il va être vraiment, vraiment très précis. T'sais. C'est un jeu que j'adore, League of Legends. Mais il y a des journées où ça te tente juste pas de, tu sais, obéir aux lois, tu sais. Fait que quand tu veux jouer un jeu juste pour avoir du fun, tu sais, un MOBA, ben, tu peux aller jouer Heroes of the Storm parce que il y a beaucoup plus de liberté dans ce jeu-là, tu sais. Puis au niveau des personnages, la façon dont ils ont monté, tu sais, ils étaient vraiment très original, tu sais. Si tu regardes les personnages, il y en a un, Abattur, tu sais, tu vas juste jamais engager le combat toi-même, tu sais. Ça va être quelqu'un, tu vas envoyer des boosts sur certains personnages, tu peux créer des créatures. T'en as, tu sais, qui stealth, des healers, tu sais, t'as toutes les classes traditionnelles, tu peux avoir un warrior, un assassin, etc. Mais ils ont toutes une petite saveur. Ouais. C'est Tricrine dans l'espace. Non, il n'y a pas ça en fait. Mais possiblement que. Mais y a-t-il des personnages originaux pour The Heroes of Storm ou c'est juste parce que c'est juste des personnages de franchise de Blizzard en fait? C'est juste des franchises de Blizzard. Moi j'aurais aimé ça qu'ils s'éloignent de ça un peu. Mm-hmm. C'est une des petites critiques, là, c'est que dans le fond, là, ils vont pogner Diablo, StarCraft, Warcraft. Il y a The Lost Vikings, en fait, qui ont mis là-dedans. Ouais. Ça, c'est tellement genre, cool, man. C'est cool, ça. Mais Black Thorne, y es-tu là? Non, c'est ça. Il y a pas... On vont... l'avait demandé à la critique. Oui, hein, c'est ouais. ça. Ils vont sûrement c'est Black fouiller. Ils vont sûrement fouiller. Tu vois, il y a Overwatch qui s'en vient bientôt. Puis c'est sûr, il y a déjà un personnage là, qui va entrer. Moi, j'aurais aimé ça des fois qu'il allait chercher un autre, peut-être, type de personnage genre, vraiment propre au jeu, là, qui fait partie d'aucune autre franchise. T'sais, Diablo est là, représenté aussi. Mais c'est pas si grave que ça parce que c'est bien fait. Puis, comme j'ai dit, il est tellement innovateur au niveau de son gameplay que ça force les autres MOBA à évoluer. On regarde un petit peu ce que League of Legends a fait depuis que Heroes of the Storm est sorti. Ben, il brise un peu la routine des héros normales pour aller vers des choses un petit peu plus éclatées. T'sais. Moi, je trouve que c'est super bien. Là. Ils ont comme fait évoluer le genre là, en peu de temps. C'est sûr que c'est vraiment pas le plus populaire. Je pense qu'il est encore le troisième en liste là, derrière Dota 2 puis League of Legends. Est-ce qu'il est sorti officiellement? Oui. OK. Cette année... Il est plus en bêta. Non, là. Il est plus en bêta. C'est cette année, je pense, c'est en mars ou mai. OK, c'est un bout. Bon, ouais, c'est un petit bout qui est sorti. Mais donc, tu sais, je parlais des jeux qui s'améliorent de plus en plus. Ils n'arrêtent pas de sortir des nouveaux contenus, des nouvelles cartes, des nouveaux héros. Puis ce que j'aime, tu sais, une nouvelle carte est complètement différente, en fait. Ton but, c'est vraiment pas de péter les tours toi-même. C'est de capturer des certaines zones qui vont envoyer des canons, genre, pour aller tuer les tours, tu sais. Il y a vraiment une twist là, vraiment différente. Chaque carte se joue différemment. Les objectifs sont différents. Puis le jeu en équipe est super important dans ce jeu-là. Il faut vraiment là, que tu te colles en gang. Là, le bon vieux terme, faut que tu zergues ton adversaire. Fait que, c'est ça, ça, c'est ça, un jeu rush. Ouais, exactement. Mais là, c'est ça qu'il faut que tu te passes. Tu arrives en gang, puis t'es pète. Mais c'est vraiment le fun. Il y a des personnages, il y a un petit côté ludique. Il y en a qui sont comiques, il y en a qui sont un peu plus sérieux. Ils ont été pigés, t'sais, bizarre quand même, une bonne histoire. Vous avez joué à World of Warcraft ou Warcraft, ils ont en masse de champions à piger là-dedans. Ils vont fouiller. Diablo, même affaire. Starcraft aussi est bien représenté. C'est ça. Ils pourraient peut-être mettre un petit peu plus de contenu original. Je pense que c'est pas leur but, en fait. Je pense qu'ils veulent vraiment essayer de faire une connexion avec leur monde. Comme j'ai dit, Overwatch qui s'en vient, là, qui va être... un jeu là, il est déjà en bêta en fait. Éminemment, ils vont plugger leurs personnages là-dedans. Mais à part ça, pour moi, ça reste le MOBA à ce jour qui est le plus léger, un petit peu plus le fun, plus permissif. Plus t'sais. Arcade. Ben, on pourrait dire arcade en effet. Ouais. Mettons un petit feeling de Gauntlet là, dans le temps, là, quasiment. Ouais. Là, tu vas aller vraiment aller chercher une diversité dans le gameplay que t'as pas nécessairement, surtout au niveau des rôles, tu sais. Il y a tellement de mobilité sur la carte, là. C'est pas du tout le genre t'es pogné dans ta ligne, puis la lane, là, qu'on pourrait dire, puis tu bouges pas. Fait que ça m'a vraiment. Ça m'a plu. J'ai investi pas mal de sous dans ce jeu-là. C'est un free-to-play. Plus vraiment. Ouais, c'est ça, c'est un free-to-play, mais ironiquement, c'est tout le temps de même, hein, tu sais. Donc, j'ai sûrement mis plus que. Combien? Plus, oh, je sais pas, 100 combien? Piastres, là, peut-être. Là. 100 piastres? Ouais, à peu près 100 piastres. C'est comme si t'avais acheté le Collector Edition. Genre, là, tu sais, j'aurais dû l'acheter. En tout cas, beau titre, superbe. Moi, je vous dis, si vous êtes un amateur de MOBA, allez-y. Puis si vous n'êtes pas un amateur de MOBA, mais vous aimeriez ça regarder le genre, c'est, je pense, la franchise de MOBA qui est la moins intimidante pour commencer. Fait que je dis, allez-y, joyeusement. All right? Excellent. Fantastique. Fait qu'on est rendu à la pause. Oui. Ben ouais, déjà. Oh. Publicité spéciale Noël, jeu vidéo. Ah oui. Ouais. Des petites surprises là-dedans. Ouais, regardez les pubs, là, ils vont être bien, bien de fun. Restez à l'écoute, fait qu'on revient après la pause. Bon. Hey, j'aimerais remercier Jean-Philippe André pour son don sur PayPal. Merci beaucoup Jean-Philippe. Super merci. Apprécié. Qui était déjà venu à l'arcade dans une soirée qui nous avait donné de l'argent. Hein, JF? Oui, exactement. Exactement. Qui avait torché à le Nintendo World Championship, je me souviens bien. C'était-tu lui, ça? Je pense que c'était lui. Hein? J'avais réussi à finir troisième. Ouais. J'étais quand même pas mal fier de ma shot. Mais merci en tout cas, Jean-Philippe. Très apprécié. Oui, vraiment cool. Prochain, c'est Michael. Michael, je vais parler d'une console qu'on parle pas, que vous parlez pas souvent rétro nouveau. Oui, puis je suis content que t'en parles. Ouais, le Sega Mega Drive, parce que c'est un jeu d'importation que je vais parler. Fait que c'est un jeu du Sega Genesis. C'est un shmup à l'horizontale qui s'appelle Advance Buster Arc Glaylancer. Il y a des théories qui pensent que ça veut, qui voulait dire Grey Lancer au lieu de Clay Lancer. Ouais, mais, c'est ça. Parce que les Japonais, ils ont de la, le L puis le R, ça ressemble. Ils ont pas de L en fait, fait que le R, ça ressemble. Fait qu'ils ont comme mélangé les deux, genre qu'ils ont, ils ont traduit le nom. Puis sur la pochette, c'est un genre de vaisseau pénis phallus. Ouais, c'est très phallique. C'est très phallus là, qui avance dans l'espace vers toi. Clay Lancer, là. Clay Lancer, toi. Clay Lancer, fait que bref, un shmup. Malheureusement, pas eu de sortie en Amérique du Nord ni en Europe, qui est vraiment excellent, qui est faite par Masaya, qui est la compagnie qui font Cybernator et Shoaniki. Cybernator de... Ah ouais, Shoaniki, c'est eux autres qui ont fait ça? Ouais. Ah, j'achète. Ouais. Mais suite. Mais c'est quoi? Connais-tu ça pour vrai? Shoaniki, c'est malade, man. C'est quoi? Toi, faudrait que Tu sais, le shmup des gros monsieur musclés, genre ouais. Louche à Carl, là. Oh, man. C'est fantastique, ce jeu-là. Mais PS2, cette affaire-là. Mais Clay Lancer, c'est pas un shmup fucky. Genre, c'est un shmup tout à fait traditionnel à l'horizontale. En gros, t'as un spaceship bien, bien spécial. Ce qui est cool, par contre, c'est que t'as deux upgrades qui viennent s'attacher à toi. Puis, au départ, quand tu starts ta game, tu peux choisir la formation que tu veux pour tes deux affaires. Tu prends juste le search. Le search, c'est le seul qui est utile vraiment dans comme ma formation en celle-là. Ouais. Ce search, il est comme homing, genre. Ouais, c'est ça. Il se dirige vraiment sur tous les ennemis que tu veux. Puis c'est comme on voit à l'écran, par exemple. Exactement. Côté power-up, il n'a pas de temps. Aussi, tu peux changer ta vitesse, pareil, comme dans Thunder Force. Fait que tu sens l'influence des shmups qu'il y avait à l'époque. Ouais. Mais vraiment, d'ailleurs... C'est la musique de ça, hein? Non, c'est la musique de Thunder Force, ça. Ah oui, c'est vrai, excuse. Parce qu'il y en a une de Clay Lancer quelque part, oui. Là. Oui, dans la liste, j'ai mis... Chansons, ouais, je m'excuse, j'ai comme reparti la musique sans faire exprès. Ouais, c'est pas grave. La musique est bonne, c'est pas grave. C'est bref, je pense qu'il fait... Ce qui fait vraiment la différence de ce jeu-là, c'est vraiment le level design puis la balance du game design. Parce que on s'entend un shmup, ça... Surtout à cette époque-là, il y en a beaucoup qui ça ressemble. T'sais, c'est dur de faire de la variété qui est vraiment intéressant, mais j'ai trouvé quand j'ai joué à ce jeu-là, c'était vraiment le level design qui m'a accroché puis le fait que ce soit pas trop difficile. Parce ça, c'est le fun de temps en temps, ouais, hein, d'en pogner un qui est faisable. Là. C'est ça, parce que t'sais, j'essaie de jouer à Gaia Race, c'est un autre shmup de la Genesis, puis c'est comme. Je suis pas capable de passer le premier tableau. T'sais. Mais Clay Lancer, c'est un jeu que j'ai comme popé un moment donné sur mon Everdrive, puis genre. Je me suis assis puis je l'ai fini genre en un sitting là, c'est comme je sais pas qu'est-ce que ouais, c'est ça, il y a vraiment quelque chose qui m'a accroché dans ce jeu là, la musique, le design des levels, les graphismes, c'est vraiment un beau jeu de la Genesis aussi, très rapide évidemment parce qu'il y a du blast processing. T'sais. Ouais. J'ai quand même lu que c'était un peu de la bullshit ça, ouais, c'est surtout un terme là. Ouais, c'est bon. Ça veut rien dire là. Ce qui est cool aussi, c'est quand tes tableaux, il y a une histoire, mais bref, moi j'ai joué à la version pas traduite par les fans, il y a une patch qui traduit le jeu en anglais parfait dans les fans, mais moi j'ai la version japonaise, mais j'ai rien compris à l'histoire parce que je parle pas le japonais, tu sais. Question c'est... de temps. Ouais, c'est une question de temps. J'aimerais ça, j'aimerais vraiment beaucoup ça. Tu devrais, sérieux, c'est la seule corde qui manque à ton art. Ouais, je sais. Mais ce qui est cool, c'est qu'ils ont mis des cutscenes style animé japonais, ils sont vraiment super bien dessinés, genre. C'est comme chaque jeu qui a des cutscenes style animé au Genesis sont vraiment super bien dessinés. Il y a d'autres jeux comme les Ease, Elemental Master aussi, il y a des belles cutscenes aussi. Fait que. Fait, bref, un excellent shmup de la Genesis. Malheureusement, si vous voulez l'importer du Japon, il coûte genre comme 500$ complet. Ah ouais. Il est super rare. Calice, il est pas disponible justement. Nulle part ailleurs. Non, mais il est disponible sur la Wii Virtual Console partout. En Japon, Europe et Nord-Américain. Ok. Ah. Sinon, ça vous prend une repro qui vient de la Chine ou Everdrive. Là, fait que... Triste, man. Je sais parce que. Je m'achèterais jamais ça à 500$. Non, mais c'est ça. Quand j'ai fini le jeu, je fais comme, wow, man, c'est vraiment un jeu que je veux dans ma collection. Le cherche sur eBay, je fais comme. Ah bon. Ouais, peut-être pas. Ça, c'est poche quand même. C'est plat. J'aimerais vraiment ça l'avoir physique parce que c'est des jeux que j'apprécie. J'aime ça les avoir physiques. Mais, oui. Mais malheureusement. C'est le fun, mais c'est pas 500$. Le fun, non, c'est ça. Ah, mais c'est plus jamais. C'est impossible. Fun aujourd'hui. C'est 500$. C'est fun. C'est rendu top. Non, c'est pas possible. Là. C'est non, c'est comme Panic Restaurant. Là. Ah, ouais. Ça, ben, moi, c'était genre pas 350$ fun l'année passée. Mais là, c'est rendu plus pas 500$ fun. C'est comme on a découvert que Power Blade 2 t'es rendu à 530$. Moi je pensais qu'il était dans un 7, fait que c'est encore pas si pire. Mais je pensais qu'il était genre 250$ ce jeu là. Ah non, c'est ça. Ça... Aïe, c'est ah, si vous voulez faire un cadeau de Noël à Nick Chalifou, c'est ça qu'il veut présentement. Ça, ou ben, le premier Shanté, loose, 500$. Juste une petite cassette tout nue dans la rue. Tabarnouche. tu vas l'avoir ton manoir si tu vends un Panique Restaurant, là, genre dans 30 ans. Là. Ah, c'est clair. Si je meurs pas du cœur avant, ah ouais. Si mes cernes ils prennent pas le dessus sur mon cœur. J'ai juste comme une face. J'ai plus d'yeux, j'ai rien à manger par des cernes. Une tête noire pleine de rides. Tu sais, c'est des cernes. Comme un gros raisin. Et ouais, c'est ça. Comme California Raisin. En vrai. C'est ça qui s'est passé. Faut t'inventer une technologie que tu vas jouer à des jeux vidéo en braille. Là. Oh man. Fait que c'est à ton tour, Mario! Ouais, je vais vous parler de Affordable Space Adventures. Ah ouais, hein? Un jeu sur le... de l'espace abordable. Ouais. Mais c'est ça, c'est dans les hot comme nom. Mais y a, c'est un jeu qui est quand même une trame narrative quand même assez humoristique. Dans le sens que, au fond, c'est une compagnie qui vend des voyages tout inclus sur une planète un peu hostile. Puis, au fond, ton voyage, t'as ton petit vaisseau spatial juste à toi. Puis là, c'est supposé être comme super sécuritaire. Il y a comme un gros vaisseau qui amène tous les petits vaisseaux. Puis on peut croire que dans le vaisseau, il y a des familles, là, des affaires comme ça. Puis, c'est supposé tout ça bien se passer. Puis là, finalement, là, ça se passe pas la bien. Ça crache. Un gros vaisseau crash. Puis là, ton vaisseau... Là, t'es dans un... C'est un jeu en deux... C'est un jeu en... 3D, mais comme tu joues en 2D. Ouais. T'es dans un espèce d'environnement. Au début, t'es à l'extérieur, puis après ça, tu rentres dans les profondeurs. Ça fait penser un peu à Metroid, ce niveau-là. Puis là, comme on peut voir ces images, c'est comme un petit vaisseau, puis là, puis tu te promènes. Puis ce qui est vraiment particulier d'Affordable Space Adventure, c'est l'utilisation du gamepad. Là, j'ai choisi cet extrait-là parce qu'on voit en haut à gauche, c'est ce qui se passe sur le gamepad. C'est que tous les contrôles de ton vaisseau, le UI des contrôles du vaisseau, est sur le gamepad. Puis là, au début, tu as juste comme le moteur de base que tu peux utiliser. Puis là, plus tu avances dans le jeu, plus là, tu vas avoir comme plein de différents modules qui vont se rajouter à ton vaisseau. Puis là, en certains points, tu as un moteur à combustion, tu as un moteur électrique. Tu peux contrôler la vitesse avec des sliders. Tu contrôles la force de gravité artificielle dans ton vaisseau. Il y a vraiment comme plein de choses. Puis là, au fond, c'est des puzzles. Puis les puzzles, ça va être surtout que tu vas te retrouver des fois face à des ennemis qui sont stationnaires, puis qui ont, ces ennemis-là vont avoir une certaine zone de détection. Puis là, quand tu les scannes, ça te dit « OK, tel ennemi va réagir à la chaleur, tel ennemi va réagir au bruit, tel ennemi va réagir à ce dégage d'électricité. » Puis là, pour passer à travers ces ennemis-là, il faut que tu trouves la bonne combinaison de comment arranger tes modules. Okay. Alors, il faut que tu mettes, mettons, 3 de ton moteur à combustion, 2 de antigravité, 1 de... Puis là, ça devient quand même assez complexe. Puis là, ça devient vraiment des puzzles de logique. Ouais. Puis de logique, puis aussi de réagir au bon moment. T'sais, à un moment donné, tu vas te retrouver à un ennemi, tu fais comme « OK, je peux pas rien faire pour passer. » Ça fait que ce qu'il faut que tu te fasses, c'est genre donner de la vitesse, puis là, au bon moment, t'éteins toutes tes modules. Puis là, t'es comme en... Puis là, avec l'élan que tu t'es donné, tu passes à travers la zone de détection. Ça fait que c'est vraiment, vraiment des puzzles brillants. Ah, ben ouais. À un moment donné, il commence à avoir des puzzles aussi par rapport à la chaleur. Tu te retrouves dans un endroit, il fait super froid. Ça fait que là, il faut que tu mettes ton moteur à combustion pour monter ta chaleur de ton vaisseau. Sinon, il gèle et t'es mort. Genre. Mais là, t'as des ennemis qui détectent la chaleur. Ça fait que c'est comment tu passes à travers ce puzzle-là. C'est quoi la bonne combinaison de tes modules. Puis ce qui est le fun, c'est que ce jeu-là ne pourrait pas exister sans le gamepad. Parce que c'est toute l'interface de ton vaisseau, c'est l'écran du gamepad. C'est les contrôles du gamepad en touch. Puis, fait que tes boutons ne servent absolument à rien. Les boutons dans le jeu, à part le joystick pour contrôler, sinon c'est vraiment juste l'interface. C'est cool ça. Puis, tu perds-tu de la life en fonçant dans les murs? Non. Jamais? Non, je pense pas que tu perds de la life. Je me demandais parce que ça a l'air de... On a l'air de grinder les murs pas mal dans ce jeu-là. Puis, c'est ça. Puis, il y a un mode coop aussi qui est vraiment intéressant où est-ce qu'il y en a un qui contrôle juste les modules, il y en a un qui va contrôler les mouvements du vaisseau, il y en a un autre qui va contrôler l'espèce de la lumière. La lumière, puis qui va servir à scanner aussi les ennemis. Okay. Puis là, il faut vraiment quand tu joues en coop, il faut vraiment que tu te coordonnes avec les autres parce qu'il y en a un qui, OK, à tel moment, il faut que tu... Parce que tu peux lancer des espèces de flares aussi pour des fois atteindre des boutons. Okay. OK, à tel moment, il faut que je ferme les moteurs, puis à ce moment-là, il faut que tu t'envoies le flare, puis là, il faut que tu scannes à la fin. Ah, non. Et ça, ça doit scraper des amitiés. C'est ça. Ouais, exact. Puis, tu sais, une des meilleures descriptions que j'ai vues, puis j'en avais parlé dans ma critique sur le blog, si tu rêves de jouer à un jeu de Star Trek, ou est-ce que t'es en commande de l'Enterprise, pareil, quand dans l'émission, ouais, t'es comme, OK, tu mets tel niveau de warp, puis tel niveau de... Tu sais, c'est ça, tu sais. Puis, quand tu joues en coop, c'est vraiment comme si c'était l'équipage du vaisseau, puis chacun a comme un rôle défini, puis que tout le monde doit travailler ensemble. Ça fait que... Puis, ce qui est le fun, c'est que je trouve que c'est la meilleure. Ce jeu-là, indie, que c'est même pas Nintendo qui l'a appelé, ouais. C'est la meilleure utilisation du gamepad que j'ai vu à date. Parce que c'est un jeu qui, de zéro, a été comme construit autour du gamepad. C'est ça. Puis il sera jamais ailleurs. À ma connaissance, il n'y a aucun autre jeu qui. Fait c'est ça, ça. Et je pense puis que c'est ce un jeu ailleurs que ça. C'est impossible à adapter. Ouais. À part si Microsoft ils sortent la Surface avec la Xbox, ouais, là, mais, ouais. Mais sinon, tu sais, puis il y a une attention aux détails incroyable. Tu sais, à un moment donné, ton vaisseau commence à plus t'avances dans le jeu, plus t'as des problèmes. Puis à un moment donné, des petites cracks qui apparaissent sur ton gamepad, sur l'écran du gamepad, comme ah ouais. Si, toi, t'es comme oh shit, mon gamepad est brisé. Puis là, ah oh, non, ok, c'est dans le jeu. Ça c'est cool, ça. Comme ça aurait quasiment pu être le jeu de Projet M. Ouais. Ouais, c'est ça. Parce que c'est ça, Mario aussi a quand même travaillé sur Projet M, une web-série. Une web-série dans l'espace. Ouais. Exact. Ouais. Très bon, en passant. Très, très bon. Allez voir ça. Attends, je voulais juste finir. Michael, dis-moi le jeu de Genesis auquel ça te fait penser ce que le jeu de Mario, man. Le jeu, Subterranea. Totalement, hein? Ouais. Moi, j'ai vu Subterranea tout de suite, là, quand ça a commencé. Ouais. Un gravity shooter. Ouais, mais c'est pas de l'air shooter, ouais. Par exemple. J'ai pas vu ton... C'est vraiment puzzle. Gravity t'as pas exploration. T'as pas d'armes. C'est ça. Ouais, c'est pas un shooter. Ça me fait penser, cette année, je joue aussi, j'avais fait la critique de Unmechanical. Ouais, c'est vrai, hein, que ça ressemble. Tu sais, ça ressemble. C'est vraiment le même genre de jeu, mais je dirais que c'est meilleur parce qu'il y a cette utilisation du gamepad là qui, tu sais, mechanical, c'est vraiment juste des puzzles de physique. Puis là-dedans, tu sais, il y a de la physique, mais il y a aussi le nombre de chaleur, le nombre de quantité de bruit que ton vaisseau il fait, puis tout ça qui que tu as à gauger, puis je trouve que c'est des puzzles vraiment brillants, puis c'est vraiment unique comme jeu. Ça me fait penser un peu à Solar Jetman au NES aussi. Je l'ai pas essayé encore, c'est pas bon. Mais ça, c'est frustrant, c'est pas bon. J'ai été déçu de cette crise de jeu-là, j'ai fini par le vendre. C'est Rare qui faisait ça. Hein? C'est Rare qui faisait ça, ouais, mais c'est pas bon. Ouais, c'est pas tous les jeux de Rare au NES qui sont bons. Non, vraiment pas. Tu checkes ça, là. Quand tu regardes ça, là. Il y en a très peu. Ben, c'est 50-50, disons. C'est Rare. C'est Rare qu'il y en a des bons. Ouais. Hey, on est rendu à qui, là? Ah, merci! Wow, on avait ça! De retour à Bruno, je pense. Oui. Bruno. Moi, je me suis acheté une Xbox One. J'attendais... Je me suis acheté une Xbox One dans l'attente incroyable d'avoir des jeux à jouer dessus. Surtout des exclusifs. Et puis, Rise of the Tomb Raider était exclusif. Ben, il l'est encore, d'ailleurs. Fait que c'est ça, je suis bien content que ça soit sorti, puis c'est pas décevant du tout, en fait. C'est la suite à Tomb Raider qui était, en fait, le remake, le reboot qu'on a eu pour les next-gen. Puis c'est ça, en fait, Lara est toujours autant dans marde. Puis c'est le fun parce que là-dedans, en fait, on a adressé toutes les affaires qui manquaient dans l'autre jeu. L'autre jeu était très bon, mais... Il les c'était plus gros quand même. Non, finalement. Oh. Ils ont tenu leur bout. Ils ont pas fait de plus gros tonton. Mais ben oui, c'est parfait. Puis en plus de c'est ça, ce qui est intéressant, c'est que ils ont vraiment écouté les fans. Les fans avaient dit il n'y a pas assez de tombes. Tu sais, ça s'appelle Tomb Raider, mais tout ce qu'elle fait, c'est shooter des gars. Ouais. C'est vrai. Elle a quand même tué pas mal de gars. Fait que là, en fait, c'est ça, on commence, tu sais, puis on sent vraiment comme une aventurière, puis on est déjà, tu sais, on commence, on est sur une grosse montagne, puis t'es déjà dans la boîte, ça va déjà vraiment pas bien. Puis, ce qui est le fun, c'est que on a vraiment bien dosé toutes les séquences. Fait que des séquences de tir, séquences de platforming, séquences de puzzle. Donc ça, c'est vraiment bien réussi puis bien balancé. Ça m'a fait penser un peu, tu sais, à un moment donné, Uncharted avait dépassé Tomb Raider. Ouais. Puis pourtant, Tomb Raider, c'était le matériel source. Ouais, ah, c'est ça. Puis là, maintenant, finalement, ils ont retrouvé en fait leur couronne avec ça parce qu'ils ont justement réussi à trouver la balance pour que ça soit aussi bon que Uncharted et même meilleur. Là. J'ai comme l'impression qu'ils ont comme voulu comme trop essayer d'introduire le personnage dans le dernier. Ouais. Puis ils ont comme oublié comme la nature. Fait que là, ils ont fait « Ok, là, on a présenté comme le nouvel univers. Là, on peut vraiment faire vraiment ce qu'on voulait, comme aller dans les dons, puis faire l'exploration, tout ça. Là. Non, c'est ça, parce que le premier était quand même très réussi. C'était vraiment bon. Mais c'est quand tu prends du recul, puis tu regardes le reste de la série, tu fais comme « Ah, ouais, c'est vrai, ça s'appelle Tomb Raider, hein, tu sais, quand même. » Puis il me semble qu'il n'y avait pas tant d'exploration. Là, c'était quand même linéaire, tu sais. Puis là-dedans, là, de l'exploration, il y en a comme ça pas de sens parce que, en fait, tes quêtes secondaires que t'es pas obligé de faire, parce que tu peux suivre le jeu comme le premier, en fait, puis juste comme à y aller avec juste l'action. Mais là, tu te promènes, puis whoop, il y a peut-être quelque chose ici. Fait que là, tu rentres, puis la tombe est gigantesque, elle est super belle, il y a des cutscenes, tout. Fait que tu peux passer le jeu en manquant des moments vraiment épiques. Ah ouais. Sérieux, tu peux passer à côté de quelque chose. Puis tu sais, les missions secondaires d'un jeu maintenant, on s'entend, il y a souvent, pas qu'il n'y a pas d'effort, mais tu sais, c'est pas aussi incroyable qu'une mission principale. T'sais. Ils sont pas mis en priorité dans le développement. Là. C'est ça. Là-dedans, les missions secondaires sont aussi importantes que les missions principales. Puis il y a vraiment un souci du détail dans les puzzles puis dans la façon de les présenter qui est mis là. Puis c'est vraiment, évidemment, bon, c'est le plus beau jeu de la Xbox One que j'ai vu jusqu'à maintenant. Là, c'est vraiment magnifique. C'était-tu exclusif, excuse, à Xbox One? C'est exclusif, c'est un timed exclusif. Fait que il va être exclusif, je pense, pour un an encore. Ouais, quelque chose comme ça, oui. Fait que c'est vraiment long là, avant que la PS4 l'ait. Fait que tu achètes une Xbox One, t'as comme pas le choix. Mais tu sais, c'est ça, c'est sûr, t'achètes pas une console juste pour un jeu. Mais quand même, ça serait une belle façon de commencer parce qu'il est vraiment écœurant, ce jeu-là. Il est super bon. Le narratif est excellent aussi parce qu'aussi, il y a des flashbacks de Lara quand elle était petite puis ce qu'elle a vécu avec son père. La relation avec son père, on la connaît pas trop. Puis on réussit à en avoir un peu plus dans ce jeu-là puis à découvrir un peu plus ce qui se passait. Fait que vraiment super, super bon jeu. Très bien balancé. Avec une Lara qui est toujours aussi dans la boîte. Fait que j'ai vraiment, vraiment, vraiment aimé ça. Un de mes meilleurs jeux de l'année. Y a-t-il un petit peu d'humour comme dans les Uncharted ou c'est plus sérieux? Non, c'est vraiment sérieux dans Tomb Raider parce que en fait, ça va vraiment mal. Tu sais, il s'organise vraiment pour que quand ça va mal, ça va encore plus mal. Okay. Tu sais, ta voix même, à un moment donné, tu sais, à toutes les fois que tu t'arrêtes dans Tomb Raider, ton personnage est essoufflé, il est écœuré, elle est à frette, elle est tannée, elle s'assoit à côté d'un feu de camp, puis elle est comme... au début, à un moment donné, elle se couche, elle a vécu vraiment quelque chose de gros. Fait que finalement, elle se couche pour prendre du repos dans une espèce de petite tanière qu'elle se fait avec du bois. À commencer la nuit, puis une heure plus tard, il y a des mercenaires qui arrivent puis qui mitraillent partout puis qui mitraillent la petite hutte dans laquelle t'étais, mais tu le sais pas que t'es plus dedans, tu sais. Mm-hmm. Fait que tu sais, à jamais de repos, tout le temps pogné pour se sauver du monde, puis en tout cas, c'est le fun. C'est le fun, tu te salis les mains là-dedans, c'est magnifique. Je vais me permettre une petite parenthèse. Écoutez la musique présentement. Si vous avez vu dans notre événement effacé. Ouais. Vous avez vu le surnom que j'aime donner à Bruno, King du patin. C'est parce que présentement, c'est la toune de Roller Games au NES. Hey, ah, ça vient de changer. Puis Bruno est un grand champion de Roller Games au NES. C'est une des raisons que je l'ai mis dans Soundtrack, justement. Ah, c'est ça. Une bonne fois, on va faire un épisode de Rétro Nouveau, un playthrough de Roller Games. Oui, j'aimerais ça. Toi, tu vas jouer, puis on va te cheerer autour de toi, man. Ouais. On va essayer que tu le finisses. Ça serait malade, ça. Ça serait hot. Sur Twitch, on va te frotter les épaules. Let's go, Bruno! Mais il faudrait faire une compète à Arcade Montréal. De compétition de Roller Games. Je pense pas que ça driverait les foules, mais on pourrait le mettre en side project. Non, mais à limite, là. T'aurais quatre gars vraiment passionnés. Ouais! Fais venir tout le monde ici pour dire que c'est une compétition Smash, puis après ça, on sort Roller Games. Roller Games ou Amagon, tu sais. Ah, Amagon, ça serait là, génial. Les deux en ce petit screen, là, comme une gang qui joue à Amagon, là, de jouer. Ouais. Lesquels seront pas les plus déprimés? Ah, moi, non, Roller Games, c'est un bon jeu, par exemple. Non, je pense que c'est le monde qui joue à Amagon qui va être déprimé. Ah, non, c'est clair. Ah, non, mais tu peux pas être déprimé à Amagon, là. Il est trop heureux, ce bonhomme-là. J'avoue. Même quand tu meurs, t'es content. Ouais. Yeah, yeah, yeah! Ah, Samy au Nintendo. Ah, oui, Samy. Samy nous a donné des bonnes choses. Comme un roux qui devient super gros. Ben, ils ont donné Vice Project Doom puis Ninja Crusader, ouais. Ce que j'ai bien aimé. C'est tout. Puis des pochettes de merde pour tout le monde. Ben, elle, de Vice Project Doom, est pas super. Hein? T'es-tu malade? Hey, le genre de faux Mel Gibson, là? Ouais. Ah ouais, ouais, surtout que c'est comme du airbrush cheap. Les gars, ils ont l'air malades, là. Y a pas une fille à ses pieds sur Vice Project Doom? Ouais, ouais, ouais. Ses bras, ouais. Mais on dirait qu'elle est... En tout cas. Raté ma joke. Fuck it. C'est ton ça jeu, sonnait Dom, comme une joke qui te met en demeure après. C'est à, ouais. C'est à toi, Dom. Ah, c'est à moi, ouais. Ah ouais, en on plus. On est parti sur Samy, nous autres. Bon, écoute, moi, cette année, le jeu auquel j'ai plus joué en nombre d'heures, c'est, ça a carrément pas rapport, c'est Game Dev Story. Un tannant de bon jeu. Un tannant de bon jeu. Oui, oui. Un ostifie de bonne game. Comme je dirais chose, là. Comme dirais chose, là. Je sais même pas pourquoi j'ai joué à ça. Vous l'avez nommé, vous autres? C'est qui a parlé c'est de Nick ça? C'est Nick qui en a parlé. Moi, j'ai loadé. Non, mais c'est Jeff qui l'a reloadé cette année. J'ai dit, c'est malade, ça. A ajouté son grain de sel en disant que c'était bon. Moi, je me suis dit, bah, on va essayer ça. Puis là, j'ai essayé ça, man. T'as accro pendant un ça bout. M'a comme... Ça m'est rentré dedans, tu sais, tel le crystal meth dans un dans un drogué, là, tu sais. T'es plus capable d'arrêter, comprends-tu? Puis, c'est ça, c'est un jeu de simulation que tu... t'as une start-up de jeux vidéo, dans le fond, puis tu la fais grandir, tu sais. Puis t'as trois étapes pour la faire grandir. Au début, t'as du staff, puis t'améliores... Tu crées du monde dehors, t'en engages des nouveaux et puis tout ça. Et puis tes jeux, t'as une panoplie de styles de jeux que tu peux faire. Et puis t'as un genre aussi pour matcher avec ça. Fait que tu peux faire, je sais pas moi, un jeu de ninja aventure ou bien un jeu de puzzle. Avec des dinosaures. Avec des dinosaures. Ben, il n'y a pas de dinosaures. Ben, moi, je ne l'ai pas débloqué, dinosaures, en tout cas. Mais des fois, il y a des combinaisons payantes. Des fois, il y a des combinaisons qui sont comme... Il me semble que ça ne pognera pas, ouais, mais OK, on va le faire. Romantic puzzle, essayez pas ça. Non, puis c'est ça, dans le fond, tu gères tes ressources, tu gères ton cash, et puis t'investis, tu payes pour que tes gars, pour trainer tes gars, pour qu'ils fassent, qu'ils rajoutent plus de stats, ben, plus de force dans les jeux qu'ils développent, là, finalement. On le voit à l'écran ici présentement, tu as le gameplay, tu as l'innovation, tu as le art, le graphisme, et puis la musique. Donc, plus que tu as de points dans chacune de ces catégories-là, meilleur ton jeu sera. Et puis, chacun de tes personnages, peu importe ce qu'ils sont dans la vie, si c'est un artiste ou si c'est un directeur, ou vers la fin, on pogne des hackers, eux autres, c'est des brutes, là. Faut pas oublier le stats qui pourrit la vie à Michael dans la vraie vie. Là, le stats des bugs. Ah ouais, c'est ça. Mais les bugs sont payants quand même parce qu'ils donnent des points. Puis aussi, t'as des game shows, là, genre des game awards en fait. Ouais. Puis tes jeux peuvent être nommés là-dedans. Ah, c'est hot, oui. Ça, c'est vraiment le fun. Et puis à chaque année, t'as aussi genre le E3 ou l'équivalent où est-ce que tu peux tu peux te payer, si t'as l'argent, un gros boot. Là, tu peux te payer des boots de babe? Oui, oui. Tu peux te payer des bouts de babes, bien sûr. Non, mais c'est pas parce que... Non, tu peux te payer des bouts de babes. Ah non, c'est pas vrai, j'ai joué aux démos sur mon téléphone il y a longtemps. Là, il y a exact. Longtemps. Puis c'est pas ça. Parce que les noms, c'est tous des parodies. Oui. C'est comme c'est Donkey King à la place de Donkey c'est Kong. Ça. Puis mettons, les artistes, au lieu de Jack Kirby, c'est genre Mac Kirby. Ouais. C'est juste des jokes de même. Puis c'est le fun parce que ça passe au travers de toutes les générations des jeux vidéo. Fait qu'au début, tu développes juste sur PC. Là, un moment donné, t'as un peu de cash, tu dis « Ah, je vais m'acheter le dev kit de la ZX Spectrum. Ouais. » Mais dans ce jeu-là, elle a un autre nom. Puis là, tu passes toutes les générations. Soudainement, whoop, le 16-bit arrive. Puis là, c'est malade. T'sais. Fait que là, tu développes-tu sur Super NES ou sur le Genesis. Mais ça n'a pas ces noms-là. C'est d'autres noms, mais c'est drôle. Puis après ça, le GameCube. Puis à la fin, tu développes toi-même tes propres consoles. Ouais. puis tu développes des jeux sur tes consoles que tu as développées. Là, c'est comme, waouh, là, t'es dans une grosse ligue, là, tu sais. J'imagine qu'à chaque génération de consoles, faut que tu augmentes ton staff, là. Ouais, ouais, c'est ça. Ben, ça va pas nécessairement avec les consoles, mais à un moment donné, ils te l'offrent. Tu dis, bon, ben, voulez-vous passer au niveau supérieur, tu sais, un plus gros bureau, puis tout ça, puis tu y vas. Puis c'est drôle parce que, pareil comme ce qui s'est passé dans la vraie vie, à un moment donné, il y a des nouvelles consoles qui sortent. Mm-hmm. Et là, tu décides ou non d'acheter les dev kits. Puis là, il y a la Neo Geo. Oui. Puis là, le commentaire, c'est genre, oh boy, ça coûte vraiment cher le dev kit. Il n'y a pas beaucoup de monde qui se lance là-dedans. Mais peut-être si on sort un bon jeu là-dessus, tu sais, ça pourrait nous donner une coche comparé aux autres. Oui. Puis il y a un autre, c'est la virtuelle. C'est pas le Virtual kid. Boy, c'est la Virtual Kid. Ouais. Puis là, ils disent, oh, hein, c'est intéressant, mais boy, je suis pas sûr qu'on devrait aller dans cette direction. Puis c'est pareil comme dans la vraie vie, tu sais, les consoles qui floppent. Tu sais, tu développes la Super NES, c'est super payant parce que c'est payant pendant longtemps. Ça te permet d'accumuler puis de farmer. Pour farmer le Game Boy, là, c'est comme. Non, ouais, c'est le jeu qui coûte pas cher. Comment tu fais de l'argent comme de l'eau. Exact. Ça t'a fait comme 10 ans, c'était un peu. Mais dans le jeu aussi, c'est le même. Le cycle de vie de la Game Boy. Oui, est super longue. Super longue. C'est vraiment, vraiment très basé sur les vrais cycles de vie des consoles. Exact. C'est tordant. N'importe qui a un petit peu d'intérêt ou connaît un peu les consoles rétro, là, vous allez rire tout le long. Là, moi, man, j'étais crampé. À chaque fois, quand j'ai vu la Neo Geo et la Virtual Kid popper, man, j'ai dit, ah, Chris, c'est bon, là, c'est vraiment hot. Et tu peux engager un gars qui ressemble à Steve Jobs et qui s'appelle Jobs, je sais pas quoi. Steve Jobs, là, quelque chose. Non, c'est ça, tous les artistes et les gens qu'on engage, ils ont tous des noms, vous allez tous catcher là, en jouant à ça. Puis tu nommes tes jeux aussi. Là, ma première game, j'étais comme, oh, je fais un platformer de dinosaures, tu sais, là, j'étais comme, yeah, Dino, Happy 2, tu sais. Puis là, à la fin, j'étais un tabarnak, je sors tellement de jeux, man, je nomme plus ça. go, on sort les jeux. Game number 24, là. Alors, c'est ça. Au début, tu commences, OK, tranquillement, mais c'est ça pourquoi j'ai joué longtemps ce jeu-là, c'est que j'ai recommencé, genre, 4-5 games, là. Puis à la fin, man, j'étais rodé comme un hostie de malade. Je savais comment ça marche, là, tu sais. Sors les jeux. Des Hall of Famer à chaque jeu. À la fin, là, c'était juste... C'était impossible que mes jeux soient pas des Hall of Fame games, là. Chacun de mes jeux, man. Puis j'avais comme des revues, puis tout. C'était merveilleux. Je réussissais dans la vie en jouant à ça. J'étais très heureux. Fait que c'est un jeu qui m'a apporté une grande quantité de bonheur. Et puis j'ai joué sur mon téléphone, man, comme un malade. J'ai amené ça en vacances, puis tout. J'ai joué tout le temps à ça, sa toilette, partout, dans le métro. Fait que. Ça, je le vois dans le Play Store de mon Android, puis j'hésite. Ça a l'air épeurant. T'sais, est-ce que ça joue comme les simulations free-to-play ou est-ce que finalement, il faut juste à chaque 4 heures, il faut que tu retournes? Non, pas du tout. Non, tu le payes une quand fois. Quand tu as fini, tu crises ton camp, tu reviens, tu continues ce que tu étais. Donc, ça joue comme les vrais jeux de simulation, peu comme Roller Coaster Tycoon. Moi, je suis pas du tout un gars qui va comme avoir la patience de m'embarquer dans de quoi de compliqué. Puis ça, au début, j'étais... Puis très vite, ça m'a rentré dedans. Okay. Puis comme je suis parti là-dedans, man, comme une comète. Donc, si moi, j'ai aimé ça tant que ça, n'importe quel crétin qui nous écoute est capable d'aimer ça assez facile. Des enfants teflon, comme tu dis. Des enfants teflon. C'est ça, là. Si vous êtes un enfant teflon, mais rendu quelle phrase. Vous êtes capable. N'importe quel crétin qui nous écoute. Hey, c'est une joke, mais je trouvais ça drôle de dire ça. Il n'y a pas de crétin qui nous écoute. Je pense qu'après chaque émission, on devrait faire des memes avec tes meilleures citations. Attends, là, tout le temps une bonne. La compilation à chaque année, genre. Ah, si, bon. Citation de l'homme de Dominique. Le top 10 des citations de Dominique. Mais juste pour conclure sur un point de vue sérieux, ta question, là, c'était à l'époque où tu pouvais acheter un jeu mobile. Tu faisais un achat unique, puis tu pouvais jouer avec. C'est pour ça que j'aimais ça. Chose qui n'existe plus aujourd'hui. Mais parce que je lui avais donné l'option d'acheter du cash dans le jeu pour comme aller plus vite. Je l'aurais peut-être fait. Mais le jeu, il est assez rapide pour te, aussi que tu grindes pas. Là, t'sais, non, t'as pas de temps. Je pense que c'est un jeu qui est sorti sur PC avant. Non, c'est vraiment... Ça a été iOS, puis ensuite, il y a eu un port sur Android. Okay. Il y a une version d'un autre jeu, je pense, c'est... Video Game Tycoon. Game Dev Tycoon. Ouais. Il y a l'air d'un genre de rip-off. Là. Je ne l'ai pas essayé. Mais... Comme, je ne sais pas c'est lequel qui est rip-off entre les deux, mais deux jeux comme sont vraiment similaires. Mais je pense que c'est Game Dev Story qui était en premier. Dans le chat, on dit que Tycoon, c'est lui qui a été inspiré par Game Dev Story. Bon, fait. C'est ça. Fait que lui, je ne l'ai pas essayé, mais Game Dev Story, là, super. Je sais qu'il y en a un des deux, quand il est sorti sur PC, ils ont uploadé leur propre version piratée. Puis genre... T'es pas capable de finir le jeu parce que tes jeux se font trop pirater dans le jeu, genre. Ah ouais, c'est ça. C'est ça, c'était quand même vraiment brillant comme en technique anti-piratage. Moi, ça, c'est le fun quand ils mettent un petit côté, là, genre du logiciel lui-même. Je pense que c'est Skullgirl qui ont mis ça. Puis ça, c'est une anecdote par rapport avec le top, mais ils ont mis quelque chose. Quand tu finis le jeu, t'as une espèce d'affaire, un message poche. Ouais. Puis il y a quelqu'un qui a fait ça, puis il a tweeté développeur du jeu. Il dit, comment ça se fait que j'ai ça quand je finis le jeu? Il dit, bah, ben, c'est parce que c'est une copie pirate. Ça, c'était vraiment incroyable. Là. Vous irez chercher. C'est vraiment quelque chose qui est documenté. Puis les développeurs, ils ont vraiment agi là, de la façon la plus cool qu'on peut imaginer là-dessus. Là. Mais, ouais, c'est ça. Ouais. Mais justement, sur Game Dev Story, il y a plein de monde qui se plaignait, hey, mon jeu, il se fait pirater. Genre, ma game est pas bonne. Genre, c'est comme, bah oui, man. Comme dans la vraie vie quand tu pirates ton jeu. Là. C'est comme, c'était le vraiment le meilleur anti-piratage ever. Ouais. Malade. Ouais. C'est à ton tour, Nick. Ah, c'est à moi. Fait que yes. Moi, le dernier jeu sur la liste, j'en avais plusieurs, mais comme j'ai dit, j'ai été vraiment avec des jeux qui... Des valeurs thématiques, ouais. Mais aussi la thématique, genre, ils sont améliorés depuis leur sortie, tu sais. J'ai choisi Super Mario Maker. Ah, oui. Puis, tu sais, ce jeu-là, en fait... on a fait la critique, en fait, commune ensemble. Puis, c'était le fun... Puis à un moment donné, on a eu accès à l'environnement journaliste, tu sais. Puis c'était merveilleux, les journalistes étaient forcés, tu sais. Ouais. Tous les gars qui font des reviews, c'était super le fun comme environnement. Quand c'est sorti public, t'as eu un paquet de junk. Tu sais, genre, pendant une période de 2-3 semaines, il n'y avait pas des beaux niveaux. C'était vraiment plate. C'était assez plate, t'sais, quand même. Fait que ça, c'était dommage. Puis après ça, ben là, il a repris du poil de la bête. Puis là, il a laissé le temps au monde intelligent de faire des vrais beaux jeux. Là, le monde a continué. Puis là, ça a émergé là, une diversité là, incroyable, tu sais. Puis, tu sais, c'est vraiment... C'est le genre de jeu que j'apprécie parce que tu peux le prendre. Tu vas cibler un niveau. Puis, tu vas être capable... Si c'est un niveau difficile, tu vas peut-être prendre une bonne... je sais pas, une bonne soirée, là, genre un bon 30 minutes à essayer de le passer en sacrant tout le temps. Puis, ça, c'est correct. Moi, c'est un genre de challenge que oui, j'aime. Oui, mais c'est un bon challenge. T'sais. Puis Nintendo, il est intelligent de la façon dont c'est fait. On se rappelle, on avait parlé, tu peux pas uploader un niveau que tu peux pas terminer toi-même. Ouais, ça, fait c'est que si toi, cool, tu peux pas le terminer, ben ça veut dire qu'il n'est pas terminable. Hein. Fait une chance qu'ils ont fait ça. Parce ça que bloque que un barrage exact. De marde. Des trolls, il y en aurait eu. Ah, ouais. Mais il y en a des trolls, mais c'est des trolls qui ont du skin. Ouais, c'est ça. Oh, mon tabarnouche. T'sais. Toi, tu as réussi, je vais l'avoir. Fait ah, là, ça, c'est cool. Là, ça devient un combat personnel entre toi puis le mi de la personne que tu vois. Oh, Shingaru, je vais passer ton niveau. Il y a des rivalités qui s'installent, puis c'est vraiment le fun, tu sais. Puis, tu sais, aussi, ben, ils ont inclus tous les environnements, tu sais, le Super Mario Brothers original, le 3, Super Mario World, puis la version Wii. Ouais. Puis, tu sais, ça fait que si t'es tanné, tu changes de niveau, puis tu sais, l'ambiance est quand même relativement différente, tu sais. Non, puis le fait aussi que tu puisses modifier des choses du jeu que. Au départ, ça n'existait pas, tu sais. Moi, j'ai beaucoup apprécié. Finalement, je me rends compte que je joue plus à des niveaux de Super Mario Bros. 1 modifiés, tu sais. Ouais. Comme entre autres, j'aime le fait qu'il ait fait certaines parties du jeu. Mettons, de Super Mario Bros. 3, tu avais des tableaux dans le vaisseau, dans les airs. Ouais. Puis tes os, ça, ouais. Dans Super Mario Bros. 1, ils ont réinventé la musique pour qu'elle soit dans le même style, puis tout ça. Il y a vraiment cool, énormément de détails dans ce jeu-là, tu sais. Ils ont fait que les assets, mettons, qui étaient disponibles sur, mettons, Super Mario Bros. 3 ou Super Mario World, ben, tu peux les porter sur... en fait, tu peux les mettre dans toutes les autres Mario parce que, dans le fond, quand tu crées ton niveau, juste un simple clic, tu vas changer l'ambiance. Exact. Mario 2, Super Mario 3, Mario 2 n'est pas là. Mario 3, Super Mario Bros. Classique. Ouais, ça aurait pété. Des birdos aurait partout, oui. Ça aurait été tout croche parce qu'il n'y a tellement pas la même mécanique que toutes les autres. Là. Mais fait que ça donne vraiment un beau produit. Puis tu sais, c'est surtout là, la communauté qui n'arrête pas de produire du bon stuff. Ben oui. Le seul bémol que j'ai sur ce jeu-là, là, c'est un message à vous à la maison. Je m'adresse directement à vous qui créez des niveaux. Arrêtez de faire des niveaux automatiques, tu sais, parce que il y a juste ça. Tu sais, genre, c'était le fun les 3-4 premières fois, mais là, on était écœurés, tu sais. Vous perdez votre temps, là. On parle de genre, peut-être un 40 heures de travail investi pour un bon niveau automatique. Je m'en fous, je veux pas faire ça, tu sais. Fait que donnez-moi des bons niveaux challengeants à la place, là. C'est vrai. Mais c'est la seule c'est affaire. Quoi, niveau automatique? Ben, genre, tu touches pas à ta manette, puis Mario, il avance tout seul, puis tu finis le niveau. Ah ouais, t'sais. Le monde, ils font ça. Ah, c'était bien impressionnant. Ouais. C'était les niveaux qui étaient les plus ratés, genre, ouais, mais ils sont, encore, sont encore quand même pas mal sur le top, mais il y a des façons de chercher d'aller chercher d'autres choses. Nintendo t'as rien aussi. À faire là-dedans, c'est plus une œuvre d'art. C'est une œuvre d'art, tu regardes ça, tu dis respect, mais à un moment donné, Ouais. Quand il y a juste ça, là, tu dis, ben moi, je voulais jouer. Là, tu sais, c'est, ouais, exact. Ouais. Mettre la manette sur le divan, ben c'est pas le but de jouer un jeu vidéo pour moi. Là, fait que... Non, puis c'est très, très important de faire des niveaux avec des insanités que tu dis puis que tu mets dans les endroits. Pénis. Autres, ouais. La première fois que Dominique a joué, c'était ça qu'on a fait, en fait, en gang. On a fait un tableau, puis on avait caché des pénis un peu partout. Ah, tu m'en aviez caché beaucoup de pénis. Il y en avait vraiment beaucoup. Je pense que c'était un bloc sur deux, en fait. Ah, ouais. C'était fantastique. Mais c'est le fun de voir la réaction du monde. Ah, oh, c'était cool. Je suis content, man. J'ai performé dans le niveau, en plus. Ouais. Mais ça, le finir. Mais tu l'as vraiment pris personnel, parce que t'as fait un sourire au premier pénis. Puis après ça, t'es en tabarnak. Tu continuais, puis tu voulais le finir. Puis là, tu l'as fini, t'as mis la manette à terre. OK, est-ce quelqu'un d'autre qui veut jouer? Ouais, en fait, non, je l'ai pas fini, mais je me suis ramassé dans un racoin. Puis là, j'aurais pu, mais tu sais, le level design n'était pas parfait à ce niveau-là. Fait que resté pris, mais non, c'était très, très drôle. Mais c'est vraiment drôle. Il était hardcore, ce level-là. Là. Ouais. Il y a quelques niveaux, tu sais, qui viennent de base avec le jeu, là, quand on t'essaie. Puis moi, la première fois, j'ai joué. Puis tu sais, moi, j'ai grandi avec Super Mario 3, là, ce jeu-là. J'ai joué. Oui. Puis à un moment donné, dans les tableaux qu'il y en avait avec, ils ont refait le premier tableau de Super Mario 3. Puis là, je suis en train de jouer, puis à un moment donné, je réalise, « Hey, je suis en train de jouer à Super Mario 3 en HD. » Puis là, j'ai comme une espèce c'est d'émotion vrai? Où j'ai fait comme... Wow, tu sais, c'est le même niveau, mais là, il est en HD sur ma grosse télé en HD. Puis... C'est vrai que ça serait fou hein, qu'ils ressortent ces jeux-là, les originaux en HD. Là. Oui, tout à fait. C'est vrai que ce serait cœur. Mais je suis sûr que si tu cherches sur les jeux que les gens ont créés, tu peux trouver tous les tableaux de Super Mario 3 qui ont été refaits. Ben, tu peux prendre exactement la même Mario, affaire. Super Mario All-Star à Wii, puis si genre tu mets ta Wii en 400. Il est pas HD. Ça, avec un component, mais. Ouais, c'est parce que ça, c'est crisp en tabarnouche. Non, je sais. T'es proche de ton téléviseur, puis c'est une ligne drette. Peut-être la NX, on aura un autre All-Star, puis il va tout rappeler tout ça. Mais ouais, j'avoue, hein, c'est un beau jeu. Puis même si vous voulez pas créer de niveau, en fait, moi j'en ai créé un, deux. Je l'ai uploadé, là, c'était comme. Mais j'aime vraiment mieux jouer ceux des autres. Là, ouais. Ça, tu passes sur le 100 Mario Challenge. Ah ouais, puis, ça, c'est fou, là. Tu sais, tu joues en gang avec des amis, tu dis, OK, on fait un tableau chaque ou on passe la manette quand on meurt. Puis, c'est jamais pareil. Ça fait que t'as du contenu à l'infini pour les parties. Tout à fait. Moi, mon souhait pour le futur de ce jeu-là, c'est mettre un mode à deux. Au moins, tu sais, parce que, en fait, c'est ça qui a rendu New Super Mario Bros. Le succès de ce jeu-là est dû au multijoueur, là. Ouais, à qui est vraiment hallucinant. C'est vraiment le fun, fait que. Ouais, bon point. Honnête. Mais c'est vraiment, c'est malade. Qu'ils sortent un amiibo qui unlock. Ouais! Un amiibo, ouais, tant qu'à ça. Un suprême amiibo avec. Hey, je l'achèterais, là. Luigi de 3 pieds de haut. Ouais! Fait que, sur ce, je passe le mic à Mike. Ouais! Yes! Que je parle d'un jeu de la même compagnie que tu as parlé tout à l'heure, d'un jeu de Blizzard, StarCraft 2 Legacy of the Void. En fait, c'est la troisième expansion de StarCraft 2 que ça a pris 5 ans avant qu'ils sortent cette expansion-là. Mais ils sont rendus à combien de StarCraft là? Il y a deux StarCraft, mais pour le deuxième, ils ont décidé de splitter le jeu en trois pour avoir des campagnes plus élaborées pour chaque race. Ah, ok. Fait que le premier qu'ils ont sorti, c'était Wing of Liberty qui était pour les Terrans, qui est les humains en fait. Là. Okay. Après, c'était Heart of the Swan qui était les orcs. C'est comme les espèces de alien insectes, dinosaures un peu. Puis là, la dernière vient sortir, c'est le Legacy of the Void, c'est les protoss. C'est comme une espèce de delve d'espace technologique. OK. Puis juste pour mettre les choses en perspective, moi, je trouve ça bien drôle. Entre le Heart of the Swan, la dernière expansion, et celle-là, j'ai shippé 3 jeux. en 3 ans, j'ai shippé comme Black Flag, Assassin's Creed Unity et Curses and Chaos. Ouais. Fait que je trouve ça bien drôle, comme Blizzard, juste pour faire une expansion, ça aurait pris 3 ans. Moi, j'ai sorti 3 jeux à travers ça. Lynn. Bref, moi, j'étais un gros fan de StarCraft. Bref, ils font trop d'Assassin's Creed. Ouais, c'est ça. exact. Hey, je suis content d'être sorti de là. Bref, moi, j'étais un gros fan de StarCraft depuis vraiment longtemps, mais je suis pas un fan trop du multijoueur. J'étais un fan vraiment de la campagne single player. C'est rare, ça. Moi, j'étais un gros fan du single player. En fait, yes. Lord of the Swan, j'ai joué single player, j'ai peur touché au jeu pendant 3 ans. Bref, moi, j'attendais avec impatience la Legacy of the Void parce que c'est une grosse arc narratif qu'ils ont fait, qu'ils ont parti... Et en fait, il y a un gros méchant, ça fait vraiment longtemps qu'il revient. C'est comme une espèce de d'esprit maléfique qui prend possession de plein d'affaires, qui essaie de se rendre, de trouver un corps puissant. Puis c'est en fait, ça joue, on joue les Protoss. Ils sont vraiment dans la marde. Ça commence. Toutes les Protoss sont une gang. Ils étaient comme un peu disparates. Il y avait comme deux clans, les bons puis les Dark Templars. Puis là, ils sont finalement réunis. Là, ils veulent comme reconquérir leur planète qu'ils ont perdu dans le 1. Le problème, c'est que en arrivant sur leur planète, t'as ce méchant-là qui arrive, qui prend contrôle de toutes les Protoss Light, si tu veux. Genre, parce que les Protoss Light sont toutes reliées par le Kalai. C'est comme une espèce de lien psionique qui sont comme reliés entre eux. Fait que là, toutes les Protoss Light sont comme contrôlées. Puis en plus, ce qui est pas, c'est qu'il y a un personnage important qui se fait contre Dooku-isé. Hey, ça, je l'avais préparé toute trouver la journée. Trouver ça dans la rousse. Ouais, là, tu lui as pensé un matin. Ouais, ça. Bref, par contre, Dooku Easy, je veux dire, c'est comme... on n'a plus besoin de tourner l'histoire comme bye. Tiens, ouais. Tiens, il meurt. C'est plate parce que c'est vraiment un personnage... Je vais pas dire comme, je vais pas trop spoiler le jeu, mais c'est un personnage vraiment cool qui est là depuis vraiment longtemps, mais je le dis en même temps. Fait que bref, dans les campagnes de StarCraft, c'est vraiment de la suite vraiment logique de toutes les campagnes qu'on fait depuis Atleteran. C'est à peu près le même genre de mécanique... tu te manques des unités, tu rencontres des personnages, tu jases entre les missions, tu pognes des upgrades. Ils ont pas trop innové là-dessus, je trouve. Ce qui est cool par contre, la différence, c'est que t'as comme des habilités que tu peux comme popper en haut de l'écran. C'est comme t'as comme un gros vaisseau en ton contrôle. Tu peux comme dropper, ok, je drop des pylons, t'as plus besoin de les contrôler. Tu peux comme faire un gros laser qui attarde des troupes du monde à terre. Quelle autre affaire? Sinon, c'est ça reste vraiment comme le standard campagne. C'est comme un hybride un peu. T'as comme l'impression par bout quand t'écoutes des personnages de jouer un jeu d'aventure. Mais okay. Ouais, c'est ça, t'écoutes des personnages. Faut vraiment que tu tripes vraiment sur l'ordre de StarCraft pour apprécier vraiment la campagne single player. Puis y a un de mes amis qui est venu. Puis j'étais comme, écoutant la musique comme, man, c'est donc bien épique la musique. Genre, ben, tu sens vraiment qu'il y a un sentiment dans la musique. Ils sont dans marre, c'est comme vraiment le last stand, vraiment. Ah okay. Ouais. Vraiment, il y a beaucoup de choir, et c'est comme beaucoup de. L'orchestre a beaucoup de rip. C'est comme, oh shit, man, la marde est vraiment pognée solide. Fait que ouais. C'est ça, c'est un jeu que j'ai fini en une fin de semaine. Ah ouais. Ok. Wow. Vraiment, là, c'est. Combien comme... d'heures de gameplay, peut-être Je sais pas, je préfère pas compter. 48. Non, okay. Peut-être 25, peut-être, là. J'ai parti le vendredi soir, j'ai fini comme le dimanche. Là. Puis là, le samedi, j'étais comme. J'ai joué jusqu'à l'attaque, puis mes yeux étaient plus capables. Quand il saignait, tu mettais des gouttes. Ah là, ouais, vraiment. Ah ouais. Tu sais, comme. Une hostie de belle fin de semaine. Ah ouais. Ah ouais, vraiment. Pas mal là. Plus le fun que de faire l'épicerie passer à vadrouille. C'est ça. Jouer avec un laptop, ça à bol, un fridge à côté. J'étais vraiment satisfait par la fin, parce que c'est vraiment la fin de ce arc narratif de StarCraft 2. Je sais pas où ils vont aller après ça, par contre, mais. 3. Ben, je sais pas s'ils vont faire un 3, ça va peut-être encore prendre 12 ans. Là. Mais moi, j'aimerais ça un Warcraft 4 avant ouais, StarCraft 3. Je pense que les fans de Warcraft ouais. RTS ont ouais. sont dus ouais, vraiment d'avoir un nouveau RTS. De manger Warcraft. Notre pain noir. Là, puis, ouais, c'est ça. Il faut manger du lembas, pas du pain noir. Là. Oh! Tu sais ce que je trouve le fun, c'est dans StarCraft. Moi aussi, ça me stresse trop le multiplayer. Puis je suis pas bon. Puis, moi non plus, je veux pas aller. Fait, là, j'ai pas trop peur. Mais ce qui est le fun, c'est que l'histoire est bonne. Puis la campagne, tu vois qu'ils ont mis du temps dessus. C'est pas juste comme une campagne solo. Non, juste pour dire qu'il y a une campagne solo. C'est vraiment le cœur de l'univers qu'ils ont créé dans la campagne solo, puis ça, c'est le fun. Ben c'est ça, c'est pour ça cool. qu'il y a beaucoup de monde qui ont chialé quand ils ont annoncé le jeu, qui ont dit on va le sortir en 3 parties. C'est comme oh non, faites ça faire plus d'argent, non, non, non. Non, mais ça a juste permis de comme, vraiment focusser chaque race. Puis aussi, qu'ils ont pris la décision de comme balancer single player séparé du multijoueur. Mm-hmm. Fait comme ça, t'as des mécaniques vraiment cool en single player qu'ils n'auraient pas pu faire en multi, parce que ça aurait été débalancer le jeu. T'as vraiment des trucs comme. Il y a des trucs qui auto-farm comme du Vesping Gas, c'est comme des trucs qui sont vraiment chiants en multijoueur à faire, mais c'est comme ça le fait automatique pour toi en single player, des upgrades. Fait que tu sais, je trouve ça vraiment cool qu'on va vraiment splitter les deux, ils ont vraiment focusé sur les deux aspects vraiment du jeu. T'es vraiment. Moi je fais partie des fans de la partie single player de StarCraft, mais il y a des fans qui sont vraiment comme. Mongol dans la partie multijoueur, surtout des ouais, Coréens. C'est ça. Ça, c'est deux façons de jouer complètement différentes. Tu peux être super bon dans le solo, puis arriver dans le multijoueur, puis te faire planter parce que c'est pas du tout la même façon c'est de penser. C'est pas la même game, pas en jeu, tout. Là. Fait que c'est ça. C'est vraiment. Pour cette raison, on donne à ce jeu une note de 3 pogos sur 3. seulement je mangeais des pogos. Hey, mangeant des pogos. C'est cher les pogos, man. Hey, j'étais allé à l'épicerie en fin de semaine passée, un vendredi, avec, après la pratique de hockey, avec mes deux enfants. Pendant ma blonde n'était pas pendant, là. Pendant que moi, je jouais à StarCraft. Toi, tu jouais à StarCraft, ah ouais. OK? Pendant ce temps-là, moi, je finissais la pratique de hockey. J'avais mes deux enfants, un sur la glace, un dans les estrades qui avait un caca, puis moi, j'étais dans les estrades avec lui, puis je changeais le caca, puis on jouait avec son cheval. Puis là, après ça, ma blonde était à son party de bureau, fait qu'elle se mettait chaude. Puis, fallait aller à l'épicerie. Là, je me dis, fuck it, man. Je me gâte, je m'achète une boîte d'ailes de poulet flamingo ou n'importe quoi dans le même genre, tu sais. Quand là, j'ai vu, un, quand j'ai vu, ouais, mais quand j'ai vu le prix des pogos, je suis tombé à la renverse. on peut plus se payer de pogos aujourd'hui, man. C'est genre 15-16 piastres, une boîte de pogos. Sérieuse, hein? Ouais, ouais, mais ça dépend. Là, tu checkais la boîte de 32, là? Non, non, non, la boîte de base, là. celle que t'es capable de faire au moins deux shots avec, disons. Ouais, c'est rendu un à coup de 4 pogos de la gueule. Un mètre délicat réservé à la bourgeoisie, tu sais. Sérieux, là? C'est un plat signature. Ouais, c'est un plat signature, c'était sur le bâton, là. Non, mais c'était des vrais, là. Ouais, c'est ça, les vrais, c'est plus cher, bâton, en c'est plus. Tu peux acheter des no-compliments, un petit gros baggy, là. Tu payes pour le nom, Dom. Je paye pour le nom. J'étais dans le IGA, probablement le plus insalubre de la province de Québec. ouais, en plus. À côté du métro Frontenac, là, c'est assez horrible. Mais je me dis, dans le congelé, ils peuvent pas chier le congelé. Ils le reçoivent et le mettent dans le congélateur. Mais voilà, je voulais juste dire que les pogos, c'est cher, man, puis je peux juste plus me le permettre à cette heure. Achète-toi de StarCraft, Ab. StarCraft, man, c'est ça, mais les cassettes sont trop chères. Ben, pas lui au pogo. Non, pas lui au 64, le jeu au PC. Il marche sur Mac aussi. Je l'avais au 64, par exemple. Je l'ai eu à vendre une couple de fois, ça. Je trouvais ça admirable qu'il ait fait StarCraft. Je t'en ai pas vendu un, Mario? Non, tu sais, j'étais venu chez toi, j'ai fait un autre jeu, je l'ai comme à regarder, puis j'ai fait 80 pièces. Moi, tout, je suis surpris parce que c'est un jeu, faut que c'est un RTF. Faut quand même que tu réagisses vite. Tu sais. Ouais, c'est ça. Sur le 64, ouais, c'est quand même surprenant. Je sais pas comment ils ont fait. J'ai jamais joué. Anyway, hey, Mario, excuse, ouais. On en piète. Mais je veux juste à rajouter, tu sais, Nicolas, il mentionne ce serait le fun en Warcraft 4. L'affaire, c'est que Warcraft 3, d'une certaine façon, c'est ça qui a amené la mode du MOBA parce qu'il y a des... Il y a les mécaniques du Hero dans Warcraft 3, puis il y a des gens qui ont... Je pense que le premier MOBA, c'était un mod de Warcraft 3, au fond. C'était le mode de Warcraft 3. C'est ça, c'est fait que s'ils font un Warcraft 4 RTS, il faudrait vraiment qu'ils trouvent une autre mécanique de jeu pour justifier le fait de sortir un Warcraft 3, surtout qu'ils ont sorti Heroes of the Storm. Il faudrait qu'ils trouvent vraiment comme quelque chose de différent au niveau du gameplay. Ouais, mais je suis pas sûr au niveau des priorités de Blizzard. Il y a Overwatch qui s'en viennent. Puis ils ont beaucoup d'équipes là, qui font du support. Là, faut pas oublier qu'il y a quand même une expansion par année et demie, mettons, de WoW. Et ils continuent là-dessus. C'est sûr que Heroes of the Storm, ça doit prendre pas mal de. Il y a un champion par mois, peut-être, là, quelque chose de même. Mais la manière, j'ai compris ça, Blizzard, ils ont l'air de vouloir comme sortir plus de petits jeux. Parce qu'ils font souvent Hearthstone, c'était comme un essai là-dedans. Exactement, parce qu'ils sont souvent tapés ces doigts, justement. Tu sais, j'ai fait la joke, j'ai shippé trois jeux entre les expansions. Justement, ils prennent comme trop de temps à shipper des jeux. Genre. Fait qu'ils pensent qu'ils veulent essayer de faire plus des petits jeux qui sont là souvent. Là. Ouais, mais Titans leur a fait mal. Hein, tu sais, le fameux jeu mythique qu'ils ont jamais shippé et qu'ils ont travaillé dessus pendant 8 ans, genre, 8-9 ans. Ouais, c'est ça. Puis, c'est Overwatch. Ouais, ils ont recyclé des affaires, c'est pas tout à fait le même projet. Là. Ouais. Ils ont pris comme un aspect du gameplay de Project Titan, ils l'ont mis dans Overwatch. Fait qu'en tout cas, on va voir, mais moi j'aimerais bien ça. Je l'achèterais. Moi je l'achèterais pour l'histoire parce que j'ai joué quand même. Quand j'étais jeune, j'ai joué Warcraft 2 à fond, puis après ça Warcraft 3, puis World of Warcraft, j'ai joué pendant plusieurs années. Ouais. J'ai skippé quasiment une génération de consoles parce que j'étais sur Warcraft, World of Warcraft, puis j'ai fait comme. Ok, j'arrête de jouer, puis je suis comme, hey, Xbox 360, je vais l'acheter comme 3 ans après qu'il soit sorti. Ben, moi, je pense que j'achèterais Warcraft 4 en pensant naïvement essayer de jouer en ligne jusqu'à temps que je me fasse exploser la face, là, comme ça se peut pas, pour retourner au single player, mais je l'achèterais quand même. D'ici ce temps-là, tes enfants vont être assez vieux. Ouais, j'espère. Ouais, c'est ça. Ils vont être à l'université. Ça va être genre, bon, ben, toi, le temps, ben, ouais. Papy va faire une game de Warcraft 4. Tu m'appelleras, mais t'as besoin d'argent, Chris. Mario. Donc, c'est ça, le dernier jeu dont je vais parler, c'est Tales from the Borderlands. Oh, ouais. Donc, c'est un jeu de Telltale Games. Donc, c'est un jeu d'aventure comme tous les jeux de Telltale Games. Si vous avez joué à... Ça n'a rien à voir avec Borderlands 1 ou 2, c'est quoi? C'est le même univers. C'est un, OK, mais c'est point and click à la place. Ouais, c'est un point and click. Ouais. Donc, si vous avez joué à les autres jeux de Telltale Games comme Walking Dead, Game of Thrones, The Wolf Among Us, c'est exactement le même genre de gameplay. Mais on est dans l'univers de Borderlands. Puis bon, pour ceux qui ne connaissent pas, Borderlands, c'est une franchise de jeux de tir à première personne parce que c'est très cartoon, c'est cel-shading. Ouais. Mais en même temps, c'est extrêmement violent et cartoon à la fois. Puis c'est vraiment... C'est quand même assez unique comme univers, tu sais. Puis ça se passe sur la planète, une planète qui s'appelle Pandora, qui n'a rien à voir avec celle de James Cameron dans Avatar. Au contraire, c'est une planète désertique, puis c'est comme peuplé de villages, de gens un petit peu fous. C'est comme le Far West, mais genre sur une speed. Oui. Puis... Puis, il y a une compagnie qui s'appelle Atlas qui a comme disparu, mais qui aurait construit des vaults, des places où est-ce qu'il y aurait comme des trésors innommables. Puis, ça fait qu'il y a des gens qui sont des vault hunters qui cherchent ces places-là. Puis, c'est dans la série régulière de Borderlands, le first-person shooter, tu joues des vault hunters, puis tu joues en coop, tout ça. Là, dans Tales from the Borderlands, tu joues deux personnages dans cet univers-là, un peu en alternance, puis à un moment donné, ils se rejoignent. Un, que c'est un employé de la compagnie Hyperion, qui c'est un peu les méchants, généralement, dans la série Borderlands. Puis t'as un employé de base là, dans cette compagnie-là qui veut monter, puis là, il descend sur Pandora parce qu'il y a comme quelqu'un qui veut lui vendre un Vault Key, tu sais. Puis là, finalement... cette gang-là qui veut vendre Vault Key, hein, Fiona, qui est l'autre personnage de laquelle tu joues, que, t'sais, finalement, t'sais, elle, c'est un con artist. C'est quelqu'un okay, qui ouais. va comme frauder des gens, puis c'est une voleuse, puis tout ça. Puis ce qui est le fun, c'est que justement, t'sais, Borderlands, c'est un FPS, puis tu joues deux personnages, puis là, tu règles pas tes problèmes à travers un gun. T'sais. C'est vraiment des personnages de classes différentes, si on veut. Puis... mais ce qui est le fun, c'est qu'ils ont quand même réussi, même si c'est en point and click, comme on peut voir dans les images, à intégrer beaucoup des séquences d'action. T'sais. Ça fait qu'ils ont vraiment réussi à recréer l'univers un peu fou, un peu frénétique de Borderlands, puis de garder ça quand même ramener ça en point and click. Là, t'sais, le seul bémol que j'ai par rapport à ce jeu-là, c'est que je trouve que l'interactivité est vraiment pas consistante. T'sais, des fois, t'es là, puis là, tu regardes l'action, puis tu fais rien. Puis là, il faut que tu poses la manette sur la table. Il faut que tu pèses par en avant pour qu'elle pose la manette sur la table. C'est, oh ouais. pourquoi est-ce que, genre, avant ça, il y a eu comme une grosse action où est-ce que tu faisais rien, puis tout à coup, pour une petite action anodine, il faut que tu pèses sur un bouton. C'est comme s'il se rappelait. Oh, shit, c'est vrai. C'est un jeu interactif. Mais l'histoire et les personnages est tellement bonne que, tu sais... t'oublies vraiment cet aspect-là. Puis moi, c'est un jeu qui est sorti de façon épisodique tout le long de l'année. Puis j'avais hâte au prochain épisode. T'sais, j'avais hâte de voir qu'est-ce qui allait se passer. Puis les personnages, ils sont attachants. T'sais, il y a le personnage de Reese qu'on voit en ce moment. Qui, ouais. c'est un gars un peu crush qui là, il essaie de trouver une façon de monter dans la compagnie. Puis tranquillement, t'sais, c'est un personnage qui a vraiment un arc dramatique intéressant. Tu finis par t'attacher à lui. Puis il y a même chose avec Fiona. Puis il y a vraiment des relations qui se développent entre les personnages qui sont vraiment intéressantes. Dans Borderlands, il y a souvent des espèces de robots jaunes avec des gros bras qu'on a vu tantôt qui s'appellent des Loader Bots. Puis t'en tues à tonnes normalement dans la série Borderlands. Puis là, dans Tales, à un moment donné, il y a un personnage Loader Bot que finalement... lui aussi, il développe une personnalité, puis tu t'attaches à Loader Bot. OK. Puis là, tu sais, des fois, tu fais comme des... À un moment donné, tu fais un choix. Est-ce que tu vas sauver Loader Bot ou tu le laisses comme s'auto-détruire? Puis là, à un moment donné, j'ai fait... non, je le laisse s'auto-détruire. Puis là, c'est écrit « Loader Bot will remember that ». Puis effectivement, Loader Bot, il revient. Puis là, ses sentiments sont un peu blessés. Puis là, il faut que... Ou tu regonges sa confiance. Puis là, à un moment donné, il y a un autre robot, tu sais, je veux pas trop spoiler, qui arrive, puis qui est vraiment cute. Puis là, il y a une relation entre Loader Bot puis cet autre robot-là qui se développe. Puis okay. Tout le long, tu sais, tu sais, t'as l'histoire qui se passe, puis là, tu comprends que t'as comme des flash forward, ou plutôt au présent, oh, oui. T'as Fiona puis Rhys qui ont été comme capturés par un gars qui a un masque, puis qu'au fond, tout ce que tu vis, c'est comme eux autres qui racontent ce qui s'est passé, tu sais. Okay. Puis ce personnage-là, tout le long, je me disais, ah, Manny, il y a un personnage qui disparaît dans le premier épisode. Je suis sûr que ça va être lui. Ça va pas être surprenant, la révélation dans le dernier épisode. Puis finalement, c'est surprenant. Puis c'est vraiment, vraiment bien écrit. Puis juste pour ça, moi, c'est dans un de mes tops de l'année. Là. Cool. Excellent. Ouais, il a l'air bon. Ouais. Mm. Y a-tu le petit robot Q qui était dans boîte, que tout le monde parlait dans Borderlands 2, là? Son nom commençait par C. C'est-tu Gortis? Non, le petit, là, c'est voyons, Colin. J'ai pas joué à Borderlands, mais tout le monde en parlait, là, ce petit robot-là, genre, quand ouais. Borderlands 2 est sorti, là. C'est le petit robot, là, c'est le petit robot qui t'accompagne tout le temps, là. Non, il est pas là, maintenant. Non, c'est ça. Mais tu croises certains personnages de la série régulière. Il y a le Vault Hunter qui s'appelle Zero, qui il y a juste comme, il y a un épée, puis il y a un masque, puis vraiment ouais. comme... lui, tu le croises, mais le trois quarts des personnages, c'est les personnages originaux, à part le méchant principal. Ouais. C'est pas Anson Jack. Anson Jack, ouais. Il meurt dans le 2. Okay. Oh. Puis là dans Tales from the Borderlands, tu t'attends à ce qu'il soit pas là. Mm-hmm. Mais finalement, Reese, qui est le personnage principal, lui, il a comme des trucs cybernétiques dans son corps. Puis finalement, Anson Jack... il est dans sa tête. Fait que tout Anson Jack est là tout le long, puis il essaie de te manipuler, puis des fois il essaie de te faire des choix un peu croche, puis il est comme ah, oh, fais ce choix là, tu sais, c'est comme hey, fuck that là, puis tu sais, il essaie d'être ton ami, puis il y a comme ça une espèce de relation cool, aussi entre Reese puis Anson Jack qui se développe. T'en apprends aussi sur Anson Jack, puis c'est ça qui est vraiment le fun de Tales from the Borderlands, c'est que non seulement ils ont réussi à recréer l'univers de Borderlands, ils ont beaucoup rajouté à la mythologie de cet univers-là. Oui. Puis je pense que s'il y a un Borderlands... Là, il y a eu Borderlands The Pre-Sequel. Oui. Je pense que s'il y a un Borderlands 3, je pense qu'il y a eu beaucoup de choses qui vont être affectées par ce qui se passe dans Tales from the Borderlands. Fait que si vous avez joué à la série régulière, que vous aimez l'histoire, puis que vous avez hâte de savoir ce qui se passe après... je pense que vous devez jouer à Tales from the Borderlands. Mm-hmm. C'est pas juste un side story, c'est justement à cause à quel point ça implique Anson Jack puis la compagnie Hyperion. Ouais. Fait que c'est sûr que s'il y a un 3, ce qui s'est passé dans Tales va informer ce qui se passe dans le 3. T'sais. Ah, c'est cool ça. Mm. Great! Good. Excellent! Fait que c'est ce qui wrap nos jeux de l'année jusqu'à ouais. la date. Fait que on rappelle que c'est une formule qu'on a chacun notre top, sauf Michael. Plus Ben, par exemple, ouais. qui a callé out à matin. Tout ça va se retrouver sur le site de Rétro Nouveau, nos 10 jeux qu'on a préférés cette année. Je dis qu'on a préférés parce que vous autres, c'est tous des jeux qui sont sortis cette ouais, année. Nous autres, c'est de l'année, moi, mais c'est toi, c'est d'autres whatever. Choses. Fait qu'à cause de moi, il faut whatever. Qu'on le dise autrement. Mais voilà. Donc, on vous avertira quand ça sera prêt. Moi, c'est presque prêt. Mais d'ici Noël, là, c'est sûr, ah, sûr, ouais. sûr mm-hmm. ça va fitter avec le show. Exactement. Puis, en fait, on fait un rappel pour notre Patreon. Merci à tous ceux qui donnent et qui nous ont donné cette année. On fait des jokes avec Pierre Lapointe, mais sérieusement, ça nous donne un sérieux coup de main. Ouais, vraiment. Puis, ça a vraiment changé les affaires pour nous autres aussi au niveau de la technique. Ouais, pour moi surtout, j'ai pu amener tout mon studio au complet à chaque fois. Ouais, là, c'est ça. Fait du bien un peu. Mais ça, c'est ça, ça change vraiment de quoi pour nous autres, puis ça nous aide à avancer et à donner plus de show pour vous autres. Fait que c'est ça, on est de retour en janvier, yes. on continue ça. Puis aussi, c'est ça, on veut vous dire de nous suivre sur Facebook, sur Twitter. Il y a encore du monde qui nous suivent pas sur Facebook, Twitter. Facebook, c'est slash rétro nouveau. Exact. Twitter, rétro underscore nouveau. C'est ça. Puis sinon, tout le shit au grand complet de notre vie, de tout ce qu'on a fait, est sur rétronouveau.ca, les archives, ce qui se passe présentement, tous les shows, tous les podcasts, quand on faisait des épisodes TV, tout. Alors, allez explorer notre tout site est là. Oui. En profondeur. Oui. Il y a tellement de beaux stocks là-dedans. Moi-même, des fois, j'y retourne, je regarde nos vieilles affaires, puis je trouve ça drôle, man. Oui. Tu sais, c'est ça, dans mon salon brun ou bien à mon ancien bureau, tu sais, ou dans la cuisine. Hey, non, c'est fantastique. C'était pas mal cool, ça. Bon vieux temps. Ceux qui viennent de nous découvrir, parce qu'il y en a, il y en a qui viennent à la fin. Oh, il y en a qui commencent. J'ai découvert votre show, là, il y a 2-3 épisodes. Oh, ouais, non. C'est toujours trippant, tu sais, d'avoir des nouveaux auditeurs. Donc, allez découvrir notre passé. Ouais. Ouais. C'est important, ça. Yes. Les racines. Sinon, Jeff, RZO, de quoi dire là-dessus? Continuez d'aller écouter les podcasts sur RZO. En janvier, il va y avoir une expansion. Vous allez pouvoir créer votre compte, créer vos playlists. Fait que ça s'en vient. Le site, est-tu en ligne? Oui, c'est en ligne. C'est en bêta, mais c'est juste c'est un thème pour moi parce que j'ai pas fini de développer encore ce que je veux faire. Là. D'ailleurs, gros merci à Max Tremblay de l'Épée Légendaire qui a fait un article dans la presse dimanche. Puis j'ai eu une augmentation de visite de 1800% de taux de visite. Wow, c'est cool. Wow. Mon hébergeur a fait comme « What the fuck, là, t'as Ben Will, qu'est-ce qui s'est passé? » Je sais pas. Merci Max. Gros shout-out. Là. Fait que, si tout le monde nous écoute après avoir découvert RZO, bienvenue. Excellent. Ouais. Cool. Alors, le site est vraiment en tête. Là. C'est parfait, ça. C'est juste une base. Je vais continuer à développer là-dessus en 2016, toute l'année. Excellent. All right. Yes. Merci à nos invités. Merci de nous avoir invités. Vous reviendrez. Certain. On n'est pas sur le côté. Tu viendras jaser. Si, on va aller chercher à pomme. Je vais cracher le show à chaque fois. Ah ouais, c'est clair. Les bières. En fait, t'as crashé un show un moment donné. Ouais, c'est vrai. Il est venu nous voler du stock. Je sais pas s'il y en a qui l'ont vu, mais tu vas devenir... Ah, tu l'as vu? Ouais, c'était un caméo. Tu vas devenir notre Kramer. Là. Tu vas rouvrir la porte. Il va être comme le dos dans la serviette dans les Dollar Athlete qui se connaît tout le temps en arrière. Ah ouais, ouais, exact. C'est ce qui était hot, ce gars-là. Faut obligé d'être en pédale. Jeff peut mettre des applaudissements en canne. J'en ai, des rires en canne. Je peux te mettre ça si tu veux. C'est tout ce que j'ai pour l'instant. Faudrait que ça soit plus rigolo. Ouais, exact. Des rires en canne, ça se l'a pas. On avait aussi les invités de l'année. C'est bon, ça. Aïe, aïe. On finit ça avec un Gilles Proulx. Ah, ben, je peux bien y aller. Ah, Gilles Proulx, c'est important. Gilles Proulx. Qui mange de la colisse de merde, c'est-tu? Qui a chier, qui mange de la merde, qui mange de la merde, qui a chier. Toujours intéressant. Merci, fait Gilles. Fantastique. On vous souhaite un joyeux Noël. Ouais, joyeux Noël, tout le monde. Soyez prudent. 2016. Soyez prudent sur la route. Ouais. Et puis, essayez plein de belles bières là, dans le temps des fêtes. Appelez Nez Rouge. Ouais. Ils se pointeront pas. Fait que dormez chez qui ouais, c'est ça. Vous avez brossé. C'est tout le temps. Donnez pas votre char, c'est tout. Ouais. Exact. Puis, mais ça, c'est une bonne affaire, dormir chez le monde à la place. Ouais. Ben, Nez Rouge, c'est pas tout le temps efficace. Non, mais c'est ça. T'sais. Surtout en région. Appelez-vous un Uber aussi, c'est tout le temps utile. Ouais, c'est ça. Pognez le taxi. Ouais, c'est vrai. Mais ça fait peur au monde, Uber. Il y a bien du monde qui ne savent pas comment ça marche et qui ont peur. C'est tellement simple. Ouais, allez loader l'application. C'est tout. Mais ils ne payent pas d'impôts. Prenez des taxis. On n'embarque pas là-dessus. C'est un débat politique. Technologie. Bon, on n'embarquera pas là-dedans. Non, ouais, fait écoute, que Bruno, man, c'est quoi que t'as ça à tête depuis le début du show? C'est vraiment laid. Ben, il y a comme une boucle ici, là. Ouais, moi, je trouve ça vraiment dégueulasse. Moi, j'enlèverais ça. Ben non, enlève pas ça, si!